les champions, putain! On est les champions! Non mais tu le crois ça? On est les champions! Non mais c'est fou! Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe! Et bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill, c'est l'émission 18 de cette saison 4. Ce soir, je vous présente l'équipe d'ailleurs en premier pour une fois, donc Romain, Tim, Yacine, Guillaume et Alex qui viendra tout à l'heure. Bonsoir à vous les gars. Bonsoir. Salut à tous. Comment ça va? Un peu froid. Ça va. Ça va un peu fraîchement mais... Ok d'accord. C'est l'hiver hein. Bon, c'est la saison hivernale mais en tout cas il y a pas de sport, donc on peut rester chillé et profiter des événements. Là, ce week-end on n'a pas chômé hein. Non. Enfin si on a chômé, ça dépend si comment on voit les choses mais. Ouais, voilà, on a chômé, Ce soir, on va parler un petit peu en pêle-mêle de l'Australian Open dans les résultats évidemment, de l'European Champions Cup en rugby, du Mondial de hand, du biathlon, de la Ligue 1, plein d'autres sports également parce qu'il y en a pas mal ce week-end comme on l'a dit. Les sports montpelliérains, on va faire un petit tour sur le MHR et le MHSC qui ont joué, ainsi que sur la petite conférence de presse qui a eu lieu du MHB aujourd'hui même qui a révélé beaucoup de choses dans le club de hand montpelliérain. Quelques résultats en bref, un petit focus MHSC féminin. On recevra non pas Jean-Marc Ponviviane ce soir qui était prévu avec le Krebs, mais trois autres invités. Ilonis Guillaume, qui est aussi donc, spécialiste du triple saut, ainsi que deux jeunes donc, de 17 et 18, de 16 ans, Vaya Marin et Victoria Binet, qui sont tous les deux athlètes d'heptathlon. Donc on va parler tout de même athlétisme ce soir, mais ça ne sera pas Jean-Marc Ponviviane, on s'en excuse. Et pour finir, on va avoir des nouvelles chroniques ce soir avec une petite chronique match de légende animée par Guillaume. Ça parlera de tennis, hein, je vous en dis pas plus. Yacine qui nous parlera d'une petite chronique historique avec du rugby. Sur la Coupe d'Europe de rugby. Sur la Coupe d'Europe de rugby. Et la petite chronique décalée de Alex qui n'est toujours pas avec nous ce soir sur un peu l'actualité de la semaine. Allez, sans plus tarder, on passe au résultat de la semaine. Sport and Chill, les résultats. Et on va commencer avec ces actualités. Alors le Mondial de hand, cher Yacine, avec l'équipe de France qui ne cesse d'éblouir dans ce Mondial notamment. Alors évidemment, ça fera partie de la question que je vous poserai à la fin de ce petit résumé des scores depuis lundi dernier. Donc beaucoup de matchs se sont déroulés, notamment d'abord la fin des premiers tours. Au niveau du groupe A, donc le groupe qui concernait la France, la Russie et l'Allemagne, s'étaient partagés les points 22 partout. Victoire de la France face à la Corée, 34-23. Le Brésil qui crée une sensation en battant la Russie 25-23 et qui de fait élimine les Russes, le Brésil qualifié pour le tour principal. Feu d'artifice, c'était le choc qu'on attendait entre l'Allemagne et la France. 25 partout avec un tir à la dernière seconde d'Enguessan qui permet à la France d'égaliser. Quentin Mahé était en feu avec 9 buts marqués. Et la France conclut ce premier tour en battant la Russie 23-22, ce qui fait que la France est première de sa poule avec 9 points, les Allemands suivent 8 points, le Brésil donc la sensation 6 points et qui se qualifie pour le tour principal. Au niveau du groupe B, pas vraiment de choc si ce n'est Espagne-Croatie avec une victoire croate 23-19, les Croates qui font le plein dans cette poule avec 10 points, les Espagnols qui suivent avec 8 points, les Islandais 6 points et donc la Macédoine de Kirill Lazarov éliminée avec seulement 4 points. Pareil au niveau du groupe C, c'était vraiment pas non plus la folie, si ce n'est le petit Danemark-Norvège, victoire du Danemark 30-26, avec un Mikael Hansen en feu, 14 buts au compteur. On peut dire qu'il a bien commencé sa compétition. Le Danemark qui fait également le plein de points avec 10 points au compteur. La Norvège qui suit avec 8 points, et la Tunisie qui prend la troisième place avec 6 points. Enfin le groupe D, aucun choc également, décidément le groupe A était vraiment le groupe de la mort. Avec une victoire de la Suède face à la Hongrie, 33-30. Les Suédois premiers avec 10 points. Les Hongrois, 6 points. Et les Égyptiens, 5 points. Petite surprise, la Hongrie, quand même, parce qu'ils ont éliminé en barrage les Slovènes qui ont fini 3e. Qui est fini 3e, en effet. Mmh. Et 4e du Mondial 2013, joué en Espagne, si je ne me trompe pas. Donc l'Égypte de Mohamed Mamdou, dont on parlera après dans la rubrique MHB, qui se qualifie pour le tour principal. Et donc, au niveau du tour principal qui a commencé, il me semble, vendredi, première victoire française, 33-30 face aux Espagnols. Donc la France qui monte petit à petit en régime dans cette poule qui, encore une fois, fait office de groupe de la mort. Les Allemands qui se débarrassent des Islandais 24-19. Les Brésiliens qui créent la sensation en battant les Croates 29-26 et qui, de fait, éliminent quasiment les Croates. Il faudra un miracle aux Croates pour se qualifier. Il faudra d'abord... Très grosse surprise, hein, dans le rang. Oui, il faudra qu'ils battent les Allemands ce soir pour espérer. Absolument, on n'avait pas perdu un match et avait même battu l'Espagne, comme dit précédemment. Et donc la France qui bat les Islandais hier 31-22. Donc pour l'instant, c'est un parcours sans embâche pour les Français. Et donc avant de reparler des Bleus, je résume aussi l'autre poule du tour principal. Les Danois qui battent les Hongrois 25-22. Et en ce moment, se joue la Suède-Norvège. La Norvège bat la Suède à l'heure actuelle, donc se replace dans la course aux qualifications. En fait, la Suède était deuxième. Elle était deuxième et elle était favorite pour finir derrière le Danemark, donc pour se qualifier pour les demi. Et la Norvège est en train de gagner. Le match est quasiment terminé. Ce qui fait que le Danemark-Suède de mercredi sera un énorme choc. Donc le Danemark, premier de la poule, tout comme la France dans l'autre poule. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est que bon, bah, pour l'instant, tout sourit au bleu. La machine est bien rodée, on ne cesse de monter en régime, notamment Quentin Mahé qui était plutôt en dedans au début de la compétition et qui ne cesse de marquer des points. On peut dire que la défense est quasiment infranchissable, on l'a encore vu face aux Espagnols et face aux Allemands. Vincent Gérard est en état de grâce, nos jeunes, comme dit quand même Eric Richardson, si tant est qu'on puisse parler de jeunes, sont d'une maturité impressionnante à chaque compétition. Exactement. Et Fabregas, c'est le meilleur pivot de la compétition, si ce n'est du monde. Donc la question un peu provocatrice, c'est que doit-on craindre pour la suite de la compétition si on se qualifie pour les demi? On jouerait certainement la Suède ou la Norvège. Le Danemark finirait certainement premier. On éviterait donc les Allemands et les Danois en demi qui se neutraliseraient. Et on jouerait l'un des deux pays co-organisateurs en finale. Devrait-on craindre éventuellement un arbitrage maison si on se qualifiait pour la finale? Effectivement, c'est une bonne question. Romain, prends mon micro parce qu'on t'entend pas trop bien. Désolé de ce petit problème. Décidément, ça fait deux semaines que ça se passe comme ça avec moi. J'ai la poisse. C'est ta place. Ouais, mais j'étais pas à cette place. Donc revenons au handball, ouais, peut-être. Avec du coup, effectivement, cette petite question provocatrice. En tout cas, moi, au-delà de l'arbitrage potentiel, c'est surtout que je pense que pour la France, l'adversaire le plus difficile, à la fois parce qu'ils ont un fort potentiel et parce qu'ils joueront à domicile, seront les Danois ou les Allemands. Donc pour moi, vraiment, l'obstacle pour la France, c'est la finale, même si on sait qu'on a une grande expérience de ce type de match, de ce type d'événement. J'étais pas forcément extrêmement emballé, mais comme nous tous, je pense, lors de la première partie de la compétition. Et là, on savait que ça allait monter en puissance après. Hein. Et voilà, et là à l'inverse, maintenant, mon analyse est tout à fait différente. Voilà. On pouvait s'en douter, mais vraiment, je trouve qu'on est fortement monté en puissance, plus encore que ce que je pensais, et qu'on est, vraiment très performant dans tous les secteurs de jeu, comme tu l'as si bien dit, Yacine. J'ai envie de dire qu'on est quasiment en mode cyborg, donc... Et il le dit d'ailleurs. C'est vraiment le cas, j'ai l'impression, depuis le tour principal. Donc je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais est-ce que l'arbitrage maison est à craindre? Et on éviterait, ça c'est vraiment un avantage, l'un des deux pays co-organisateurs en demi, donc... Les deux d'ailleurs, pardon. Oui, on peut le craindre parce que c'est un sport où le jugement est difficile sur les fautes, sur tout ce qui est tout ce qui est arbitrage. Donc, si on veut gagner, il va falloir. Je mets pas en cause les arbitres quand je dis ça. Si on veut gagner, il va falloir être à notre niveau. Sur ce que j'ai vu hier, notamment contre l'Irlande. L'Islande, oui, donc. L'Islande, tout le monde est au niveau, il n'y a pas de pépins. Et voilà, il va falloir peut-être un peu progresser au niveau du tir, notamment. Je repense au match de Timothée Nguessan qui, contre l'Allemagne, c'est un petit miracle, qui marque le dernier but, mais il fait 0 sur je sais pas combien avant. Donc voilà, il va falloir peut-être un petit peu plus d'efficacité et garder la même intensité. Ça peut passer, j'allais dire facile, non, mais ça peut le faire. D'ailleurs, Guillaume, tu vas continuer sur ta lancée. On va passer à notre sport, c'est sur le football. On va parler uniquement de Ligue 1 ce soir. Un peu rapidement les résultats et tes oui. questions. Hop, je les ai. Alors, ce mercredi, il y avait quelques matchs en retard, je vais les signaler, de Ligue 1, qui était une journée amputée avec les manifestations des Gilets jaunes. Guingamp a battu Rennes 2 buts à 1 et se relance un peu en bas de classement. Monaco et Nice ont fait match nul 1 partout. Nîmes a battu Nantes 1 but à 0. Lyon est allé faire match nul à Toulouse 2 buts partout en étant mené 2-0. Et Saint-Etienne a battu l'OM 2 buts à 1 avec un doublé de Wabi Kazri. Ce week-end, Lille a, en ouverture a battu Amiens 2 buts à 1. Samedi, le PSG a écrasé Guingamp 9-0 ah bon à domicile. La saucée, hein. Avec deux triplés de Mbappé et Franck Cavani, saucée. Neymar. Oh, elle est belle, celle-là. Et Thomas Meunier, le dernier. Et Thomas Meunier pour le Kaiser Soze pour les cinéphiles. Voilà, le PSG qui signe la plus large victoire en Ligue 1 à domicile de l'histoire. Strasbourg qui est allé aussi exploser Monaco 5 buts à 1, mais Monaco a été réduit à 10 très très vite. Mmh. Toulouse est allé s'imposer sur la pelouse des ennemis nîmois. Un but à zéro, je lance un peu le derby qui a lieu dans 15 jours. Reims et Nice ont fait match nul, un but partout. Et hier, Rennes et Montpellier ont fait match nul 0-0 en ouverture de la journée à 15h. Nantes est allé perdre à Angers, un but à zéro dans le temps additionnel. Marseille est allé s'imposer à Caen et se relance après 9 matchs sans victoire, il me semble. Ouais, c'est ça. Bordeaux a battu Dijon, un but à zéro. Et enfin, dans le derby à Saint-Etienne, Saint-Etienne a perdu 2 buts à 1 face à l'Olympique Lyonnais. Climatisé. Avec hein. Également un but. Ouais, je passe une petite dédicace à mon Dibiales. À la 94e. En PLS aujourd'hui. Ça se sentait, j'ai envie de dire, à la fin du match. J'ai deux petites questions sur les matchs de dimanche et qui ont concerné les deux Olympiques. Je vais commencer avec celui de Marseille. Marseille qui regagne, la machine est-elle relancée, messieurs ? Oh là non. Franchement, j'ai regardé une partie du match. C'était. Mais comment pitoyable. Dire, comment dire que c'était laborieux ? Ils jouaient une équipe cannaise qui est extrêmement faible. Honnêtement, il y a très peu de vrais joueurs de football dans cette équipe. Et c'est assez paradoxal, c'est la sortie de Payet qui a permis à l'OM un peu de retrouver un semblant de lien. Sanson a fait un bon match, c'est lui qui marque d'ailleurs. Mais ils ont peiné, ils ont dû gagner 1-0 à 11 contre 10 contre une faible équipe de Caen. Moi je trouve pas que la machine soit relancée. Hein. Je crois qu'avec ton enthousiasme tu vas ravir nos Alex. Ils le savent, hein, ils sont lucides les poulets. Hein. Après Marseille depuis 3 matchs... joue mieux, je dirais pas ça, mais au moins il y a de l'intensité, il y a quelque chose à Saint-Etienne. Je trouve qu'ils ont fait le meilleur match contre Saint-Etienne. C'est l'effet Rudy Garcia, ça. C'est l'effet Rudy. Sergent Garcia. J'ai posé aussi cette question parce que ce n'est pas que dire le regain de forme, entre guillemets. Oui, ça va les remettre en confiance un petit peu. Ils avaient l'air quand même mieux après la sortie de Payet. Est-ce que c'est significatif ? Il met un pied devant l'autre déjà. Donc juste, je peux me permettre une petite question, juste oui ou non, Balotelli c'est une bonne chose ou pas ? Oula, non. Pas du non. tout pour moi. Pour moi, non. Non plus, Yacine ? Non. Non, non, mais ça tu le sais. Georges Juan Romain, tout à l'heure, son analyse, Balotelli qu'on avait fait pas marcher. Pas à la mi-saison. Non. Bah c'est ça, parce qu'en fait, voilà, on sait que Balotelli a des problèmes de poids. Ouais. Qui joue. Ils vont avoir que des gros, régulièrement. Ils vont s'installer à la cantine. Ils ne s'entraînent pas régulièrement. Il n'a pas une hygiène de vie pour être un sportif de très très haut niveau comme l'exige la Ligue 1. sur 4 mois, le foot, pas la Ligue. sur 4 mois, je le vois pas être décisif comme, okay. comme les marqués. Pour moi, c'est un manque d'imagination de la cellule de recrutement de l'OM. Ta deuxième question, Guillaume. Et ma deuxième question, c'est sur le derby d'hier soir. L'Olympique Lyonnais gagne-t-il grâce à son jeu ou grâce à l'abnégation ? Pep Genesio. Grâce à Pep Genesio, grâce à un peu de chance. Honnêtement, je dirais. Les deux, moi je dirais grâce au. Ouais, l'abnégation c'est pas mal. Et après, je dirais pas la réussite, je dirais Anthony Lopez qui, pour moi, ce que qui Lopez, pour moi fait gagner son équipe parce que s'il fait pas cet arrêt déterminant contre Kazri, il y a 2-0 pour Saint-Etienne et je pense que le match est plié. Et à partir du moment où il fait cet arrêt, après Lyon égalise sur pénalty. Et après, honnêtement, sur les 15 dernières minutes, ça me semble mérité. Saint-Etienne s'est plus ou moins contenté de faire le match nul, a essayé de faire le dos rond, mais. Je suis pas d'accord avec toi sur ils ont essayé de faire le match nul. Sur non, le fait mais que attends, santé, je vais préciser, ils ont vraiment fait un bon match dans le contenu, mais sur les 15 dernières minutes, ils ont vraiment subi. Ils ont essayé de faire dos rond parce que physiquement, ils étaient morts, notamment Kazri. Et après, coaching gagnant de Genesio, bah, parce qu'il fait rentrer deux joueurs et les deux joueurs sont décisifs. Dubois qui centre pour Dembélé. Parfait, on finit avec d'ailleurs ceux qui vont continuer. Tim, tu vas nous parler d'Australian Open parce qu'on est aussi en plein dedans et pas un petit tournoi en ce moment, ça envoie vraiment du lourd. Hein. Ça a bougé. Ouais, c'est le tournoi d'Open Australie comme on le connaît avec des surprises et il y en a pas mal, hein, que ce soit plus dans le tableau masculin que féminin d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal. Je vais rappeler un petit peu les résultats. Bon, je m'attarde pas sur les Français parce qu'il y a un seul Français qui est en deuxième semaine et c'est pas celui qu'on attendait, parce que c'est Lucas Pouille. Qui régale quand même. Qui régale, je vais en revenir. Alors chez les femmes, pour les huitièmes de finale, On a eu Pavluchenkova qui a battu Stephens, que j'avais annoncé, hein, qui n'est pas du tout en forme. C'est l'une des surprises, c'est Daniel Collins, qui est de 95 et qui a mis 0 et 2 à Kerber, donc ça c'est assez extraordinaire. Déjà j'ai perdu mon pari et puis de une. Ce match je l'ai vu, c'est impressionnant. C'est... Il y a tout qui est rentré. Je la vois bien gagner encore ce soir quoi. Bah ouais, pourquoi pas. Qui est contre? Contre Pavluchenkova justement. Elle va nous faire une Osaka à l'US Open ou un... Ouais, c'est assez surprenant. Hein. Ouais. Collins, ouais, c'est 80. Elle est pas tête de série. Ouais. Ensuite, Kvitova, qui est une des favorites, a battu une autre surprise, Anisimova, qui a 17 ans et qui est la plus jeune joueuse à atteindre les 8e de finale depuis Serena Williams et Roland Garros en 98. Donc, jolie performance. Qui a fait des matchs très sérieux. Ouais, ouais, et pour préciser, Anisimova, c'est pas une Russe, c'est une Américaine. C'est peut-être le plus gros espoir du tennis américain d'ailleurs. On a ensuite eu Ashleigh Barty qui, à ton plaisir, Guillaume, a battu Sharapova. Et c'était le gros match cette nuit, c'est Simone Halep qui a été battue par Serena Williams dans le choc, hein, entre la cadre américaine et la numéro 1 mondiale. Serena qui est venue à réussir à la battre 6-1, 4-6, 6-4. Ensuite, Osaka s'est qualifiée contre Sevastova en 3-7. Pliskova a mis une petite leçon à Muguruza, 6-3, 6-1. Svitolina a battu Madison Keys. Et enfin, chez les hommes, y a eu pas mal de surprises. Hein. La plus grosse, je pense que c'est... la victoire de Tsitsipas sur Roger, en sachant que Roger Federer avait gagné le premier et finalement il s'incline 6-7, 7-6, 7-5, 7-6, avec un 0 sur 12 en balle de break pour Roger qui lui fait extrêmement mal. C'est là que se joue le match, je pense. Batista Agut qui a battu le finaliste, hein, l'année dernière, Marin Cilic en 5-7. C'est le marathonien Bautista qui n'en finit plus de surprendre. Francis Tiafoe qui a battu Fantomas aka Grigor Dimitrov. Nadal qui a mis une petite pilule à Berdych, 0-1 et 7-6. Alors que je pensais que Thomas Berdych qui revenait bien, je le voyais faire une meilleure position, mais il n'a pas existé vraiment. Djokovic s'est imposé ce matin. Je vais pas dire difficilement parce qu'il s'est imposé en 4-7 contre Medvedev, mais il a quand même bien contrôlé le 4ème et le 3ème. Et enfin, c'est une semi-surprise, Raonic qui met une leçon à Zverev, 6-1, 6-1, 7-6. Et enfin, c'est ce que tu m'as dit en préambule, Lucas Pouille qui a vraiment réalisé un bel exploit en battant Borna Koric. Alors c'est pas le nom peut-être que les petits amateurs de tennis connaissent, mais c'est vraiment un joueur qui est très solide en ce moment. J'avais annoncé qu'il irait sans doute en quart, ben non, parce qu'il a croisé Lucas Pouille sur sa route. Et très, très belle performance de Lucas Pouille, je sais pas ce que vous en avez pensé. Même sur le classement, Koric est mieux classé que... Voilà, et en plus Koric met 2-0 dans la confrontation. Donc, c'était un très gros match. Ouais. Lucas a fait peu de fautes. Et avec un peu plus de réussite, il peut gagner le premier set au tie-break. Il fait deux bandes du filet qui sortent la balle. Ouais. Qui met Koric à 6-4. Donc balle de 7 et Koric conclut. Mais Pouille aurait très bien pu s'en sortir en 3-7 et bonne gestion de la pression aussi pour la fin de match. Je trouve, ouais, carrément. J'aurais pu penser qu'il coule et qu'il concède le 4ème set, mais non, il a tenu. Et bon, contre Andic, ça va être compliqué. Ouais, mais moi, il y a une petite lueur d'espoir, c'est qu'il a disputé pas mal de tie-break, Lucas Pouille, et il a un ratio hyper positif. Il en gagne encore. Il fait 1 sur 2 au final contre Koric. Contre Marterer, il en gagne 2. Contre Popirine, il en gagne 1. Donc, c'est peut-être aussi que Raonic va descendre de son nuage un jour. Hein. Il joue le feu depuis il joue le feu. Hein. Bon, ça semble compliqué pour Lucas Pouille, mais écoute, on verra. Il y a une carte à jouer. Hein. Il y a une carte à jouer, ouais. Si pour moi, on peut résumer en 3 points un peu les résultats que j'ai donnés. C'est le lot de surprises. Les têtes de série ont été rapidement éliminées. Roger, Cilic, Anderson, Zverev, et avec des jeunes joueurs qui sortent un peu du lot comme Tsitsipas, Tiafoe et même Lucas Pouille, hein, qui a que 24 ans. Et deuxième point, c'est Serena Williams qui est toujours au top malgré son âge et qui a éliminé le numéro 1 mondial. Et troisième point qui me fait mal, c'est la sortie de Roger qui disputait peut-être là son dernier Australian et qui a annoncé qu'il allait disputer Roland Garros sans doute pour un barreau d'honneur. Ok, ça marche. On a eu ils ont cassé le site de la billetterie de Roland Garros apparemment. Non, c'est faux, mais je pense que ça arrive aussi. À mon avis, qui forgeait, il a dû voir un petit coup. On va passer au biathlon, sport d'hiver romain. Il y a des choses, notamment chez les hommes, et pas un Martin Fourcade aussi énorme que ces dernières années. Ouais. Ou peut-être aussi énorme, mais il y a un adversaire beaucoup plus costaud. Oui, pas aussi souverain. Effectivement, ce sera la question que je vous poserai. Le duel Beau-Fourcade. Est-ce que Johannes Beu, comme j'en avais parlé avec Flo, justement, a pris l'ascendant véritablement pour cette saison et peut-être même les saisons suivantes sur Martin. Je reviens de manière rapide sur les résultats. Donc, c'était la manche de Ruhpolding, surtout qu'on n'a pas beaucoup parlé de biathlon jusqu'à présent, hein, privilégiant le ski alpin. Il y a eu donc un sprint et une mass-start, tant chez les hommes que chez les femmes. En sprint, donc, c'est Johannes Beu, justement, qui s'est imposé devant son frère Tarje Beu, avec une faute de plus que celui-ci, mais on sait la puissance de Johannes sur les skis, toujours aussi impressionnant, et justement, par rapport à ce qui lui manquait sur Martin Fourcade, maintenant plus de régularité au tir. Et Bénédicte Doll qui fait 3e pour l'Allemagne, Fourcade est 4e, Emilien Jacquelin pour les Français 9e sur le sprint. Sur la mass-start, course totalement folle, où la victoire s'est jouée dans le final entre 6 biathlètes. Victoire finale pour Johannes Beu au sprint, décidément très fort en ce moment devant Julian Eberhardt pour l'Autriche et Quentin Fillon-Maillet qui est monté sur le podium pour la France. Ça fait partie des satisfactions de la semaine. D'ailleurs, une petite polémique, hein, on ne va pas étaler là-dessus parce que ce n'est pas notre sujet, entre Eberhardt et Quentin Fillon-Maillet. Ça a discuté fort en coulisses. Je vous encourage à regarder ça. Martin Fourcade, donc 4e à nouveau, donc toujours au pied du podium, ce qui montre qu'il a un petit peu de mal en ce moment à aligner les bonnes performances, ou en tout cas il lui manque toujours ce petit ingrédient pour faire la différence. Simon Détieux est 6e à 25 secondes sur le relais. Il y a eu un relais, la Norvège l'a emporté devant la France de Jacquelin, Fourcade, Fillon-Maillet, Détieux, et se classe 3e derrière l'Allemagne. Donc je reviens maintenant sur le classement général pour vous poser ma question, justement, enfin revenir sur la question déjà posée. Johannes Beu est en tête, 662 points, et il semble plus souverain que jamais. Deuxième, c'est Alexander Loginov, le russe, à 476 points, donc il y a véritablement un gouffre, et troisième Martin Fourcade à 428 points. Simon Détieux au pied du podium d'ailleurs pour la France, 400 points. Il y a vraiment un écart en tout cas entre Johannes Beu, semble-t-il, et les autres. Ah, il a un matelas saison. Confortable. Il y a un matelas vraiment confortable. Johannes, c'est 9 victoires sur 12 possibles cette saison. Voilà, qu'en pensez-vous finalement, Martin Fourcade, que lui arrive-t-il, ou peut-être justement, comme le dit Flo, est-ce que c'est juste Johannes qui est au-dessus du lot? Moi, je peux répondre peut-être en reformulant une question. Est-ce que ça se joue pas sur le fait que ça soit une année pas olympique pour Martin Fourcade, ou peut-être post-olympique du coup pour lui, donc un peu l'organisme qui faiblit un petit peu peut-être, ou un petit peu moins d'envie après ces JO qui ont été quand même parfaits de sa part. Donc moi, je pensais peut-être plus à ça. Donc je sais pas toi, Guillaume. J'aurais dit ça s'il n'y avait que Johannes Beu qui était meilleur que lui. Mais il n'y a pas que Johannes Beu. Il y a son frère à Beu, il y a Tarje, il y a Eberhardt, il y en a plein. Hier, sur le sprint, j'ai jamais vu Martin Fourcade se faire distancer dans une bosse. Il a complètement pété sur Johannes Beu et sur Eberhardt. Et sur Quentin Fillon-Maillet, il termine 4e. On n'a pas l'habitude de voir ça. Alors moi j'ai une théorie qui est peut-être un peu farfelue, mais on lui pose beaucoup sa question, ouais, combien de temps tu vas tenir, est-ce que tu vas rester encore 2 ans, 3 ans, est-ce qu'il est encore motivé, est-ce que à force de parler de retraite, pas un petit effet Djokovic là, elle vient plus vite à lui que prévu, je sais pas, moi il est méconnaissable. Même s'il fait des 18 ou des 19 sur 20 au tir, enfin même s'il fait moins de fautes que Beu, je crois que c'est sur le sprint où il fait une faute de moins. Et il est sur la piste, donc un tour c'est à peu près 30 secondes. J'ai l'impression que le tir ça permet de se placer, mais la course ça permet de gagner. Il met 45 secondes sur les skis quoi. Alors que normalement il est super fort sur les skis, Martin Fourcade. Il y a un problème, je pense. Ouais. Pour rappel, c'est pas qu'une question de fartage. Martin Fourcade, justement, avant de passer la parole à Yacine, c'est 2 victoires cette saison. En ouverture sur l'individuel à Paul Dzhuka, qui est le seul classement pour le moment qu'il mène, mais il n'y a eu qu'une course, justement. Ouais. Et donc à Orfilsen aussi en Autriche, où il a remporté la poursuite. Voilà, il faut peut-être juste admettre que c'est une année sans. L'écart est absolument énorme. Je crois qu'il y a quoi ? Il y a 400 points, c'est ça ? Entre Beu et Fourcade. Non, il y a 200 points, pardon, d'écart, avec encore 14 épreuves à jouer encore en général. Ouais. Écoute, moi, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. C'est absolument pas dans ses standards. Est-ce qu'il prépare, comme tu l'as dit, Romain, est-ce qu'il nous fait une tête d'une Djokovic avant un retour de plus belle pour les Jeux, c'est possible. Moi, pour l'instant, oui, on est forcément déçu quand on voit ce niveau-là, puisqu'on n'est pas habitué. Moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas à quoi l'attribuer, sincèrement. Je n'ai pas forcément de réponse là-dessus. L'importance sera aussi de voir où est-ce qu'il va s'aligner, parce qu'on parlait aussi peut-être d'une pause d'ici la fin de saison. Je sais pas ce qui. Apparemment, la semaine prochaine, je sais plus où c'est, mais Inter Selva, il sera là. Oui, en tout cas, effectivement, ça faisait débat et effectivement, il pourrait se préparer pour les mondiaux directement d'Östersund et donc passer le cap là-dessus. Il reste 14 courses et que Bö aussi a 9 victoires sur 12 et il peut peut-être aller chercher le record de Martin Fourcade de 14 victoires sur la même saison. Après, je voulais juste un petit mot, mais vraiment bref, hein, parce qu'on a d'autres choses dont on doit parler, sur les filles. Anaïs Chevalier fait plutôt des bonnes performances cette année. Les Françaises sont plutôt satisfaisantes. Bon, mauvais exemple sur Chevalier, c'est la Mastart où elle fait 29e ce week-end. Mais il y a des bonnes performances d'ensemble. Elle est 6e du classement général de la Coupe du Monde. Les Françaises ont vraiment maîtrisé le relais, l'emportant devant la Norvège et l'Allemagne, qui sont deux grands pays hein, du biathlon, faut-il le rappeler. Qu'est-ce que vous en pensez? Et justement, Anaïs Chevalier, est-ce que c'est la meilleure chance française? Est-ce que c'est la révélation même du biathlon féminin cette saison? Je vois que tu me regardes. Faut bien regarder quelqu'un, t'es en face vrai, de moi. T'as raison. J'espère. Mais je ne mise pas que sur elle. Je pense que le niveau est assez homogène dans cette équipe de France. Et même au niveau mondial. Hein, même au niveau mondial, oui. On voit que Dallmayr, ouais, que Kuzmina. Sont pas en tête. La Russe, hier, j'ai plus son nom. Elles sont pas en tête et hier, elles ont pris une belle boîte dans la Mastart. Donc le niveau est assez homogène. Les quatre françaises ont fait un relais parfait, presque parfait, avec très peu de fautes au tir. Donc non, il y a pas. Moi, je pense pas que ça soit la meilleure chance. Chacune peut gagner ses courses. Alors, en ce moment, elle est un peu meilleure, mais je ne miserai pas que sur elle cette saison. Okay. Tu as raison de le dire, Anaïs Bescon effectivement a été 9e sur la Mastart, meilleure française, la médaille au JO de Pyeongchang, et sur le sprint, si Anaïs Chevalier a été 7e, Anaïs Bescon a fait aussi 5e, donc ça montre les performances actuelles. À noter au classement général que les Italiennes dominent dans un classement très très serré, homogène hein, pour le gros globe, là on n'a vraiment pas idée pour le moment. C'est Dorothea Virer qui mène devant Lisa Vitozzi et Fialkova, la Slovaque. Ok, bah justement, tu vas continuer, Romain. On parlera rugby tout à l'heure, puisque Alex n'est toujours pas arrivé. On parlera notamment quand on parlera du MHR. C'était la grosse actu du week-end. Au niveau des autres sports, on a beaucoup de choses à dire, donc on va y aller rapidement, sans trop s'étaler sur ça. Et on va commencer avec le Dakar, puisque ça s'est terminé. Le Dakar et le Dakar au Pérou. Au Pérou, ouais. Oui, qui s'est terminé et puis on va démarrer peut-être par les vainqueurs, les vainqueurs tout simplement, donner les résultats avec la victoire donc dans la catégorie auto du pilote qatari Nasser Al Attiyah et de son copilote le français Mathieu Baumel. C'était pour citer qu'il y a quand même un français qui l'a emporté pour Toyota devant Nani Roma au volant d'une Mini 4x4 avec plus de 46 minutes d'avance. Donc Dakar véritablement maîtrisé par Al Attiyah qui a remporté 3 spéciales. Donc il s'impose devant Nani Roma qui était le vainqueur 2004 en moto et 2014 auto et Sébastien Loeb qui finit sur le podium aussi pour Peugeot. Il sait tout faire cet homme. Ouais, il sait tout faire. On le voit partout. On le voit en rallye, on le voit sur le Dakar. Ouais, il s'exporte beaucoup. Et victoire donc dans la catégorie moto ensuite de l'américain Toby Price pour Red Bull KTM devant le chilien José Ignacio Cornero Florelimo pour Honda et l'autrichien Mathias Waltner. Côté français, hein, j'y reviens oui, tout de français. Suite. Loeb et Daniel Elena du coup ont fait un nouveau podium. Troisième, 4 victoires, ceux qui ont remporté le plus de victoires, c'est quand même à noter. Mais voilà, il y a eu des spéciales où ils ont eu plus de mal, où ils ont perdu, concédé beaucoup de temps sur Al Attiyah, ce qui leur coûte sans doute la victoire, même c'est certain. Les autres Français, malheureusement un abandon pour Monsieur Dakar cette année, Stéphane Peter-Hansel à un jour de l'arrivée à Lima sur la 9e étape. Cyril Després et Jean-Pierre Cotteret se classent 5e à plus de 2h48 sur Mini Buggy. Et au classement moto, les Français, Van Beveren qui était une des meilleures chances à abandonner également. Dessous le trait, le meilleur français, 8e, et Adrien Medge fait 13e. Une autre compétition qui se passe sur le continent américain, mais plutôt dans le nord, c'est la NBA, avec notamment un retour de Tony Parker sur son parquet, on peut le dire. Sur ses terres natales, ouais. Sur ses terres natales à San Antonio, de l'émotion à la victoire, finalement. Ça a été un grand moment, une vidéo hommage au AT&T Center, avec un public qui a salué l'un de ses grands champions, des retrouvailles chaleureuses, pleines d'émotions, entre Parker et son coach, notamment Greg Popovich. Ouais, qui estime comme son deuxième père. Ouais, oui, c'est vrai, ça a été dit, et par Greg Popovich également, ouais, d'ailleurs. Et une victoire des Charlotte Hornets sur le parquet des Spurs, qu'on ne voyait pas forcément venir celle-ci. 108-93, en prenant l'ascendant dans un quatrième quart dominé par les Hornets, 32-21. Les stats de Tipeee sur ce match, bon, c'est anecdotique, mais pour les données quand même, 8 points, 4 passes, 3 rebonds pour 19 minutes jouées, c'est pas si mal. Et du coup, voilà, bah, Tim, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce grand moment de sport finalement? Que c'est pour ça qu'on regarde le sport, c'est pour voir des moments qui mêlent passion, supporters et les protagonistes, les sportifs, où vraiment il y a une alchimie, et là c'est exactement ce qui s'est passé. Tony Parker, qui est sans problème le plus grand basketteur français de tous les temps, et qui là revient aux Spurs, avec qui il a remporté quand même 3 bagues, ce qui n'est pas rien, et les supporters de San Antonio qui ont rendu un très bel hommage, c'était très émouvant, beaucoup d'émotions, j'ai adoré ce moment franchement. Ça a été un coup de cœur. De même, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je leur conseille de retrouver ça. La vidéo, ouais. Il y a aussi une grosse semaine mouvementée chez les Warriors. Oui, mouvementé dans le bon sens du terme pour les champions back-to-back, oui, on en avait parlé, avec une victoire notamment majuscule, c'est le seul match dont je parlerai véritablement, contre les Denver Nuggets, qui était donc qui partageait la tête. Hein, voilà, et on l'avait annoncé dans l'agenda comme un des gros chocs de la semaine. Les Warriors l'emportent même de manière probante, et prennent ainsi la tête de la conférence Ouest. 50 points inscrits dans le premier quart-temps. C'est juste monstrueux. C'est même pas ce qui arrive des fois dans une mi-temps NBA. Ah ouais, non, c'était monumental, 142-111. Et juste pour donner une stat, effectivement, Denver a inscrit 60 points avec 49% de réussite au tir en première période, ce qui est plutôt tout à fait bon. Ouais, normal, ouais. Et qui montre justement la performance des Warriors, qui ont mené dès la mi-temps de plus de 19 points. Et ça montre que finalement, cette équipe, lorsque Stephen Curry, Klay Thompson et Kevin Durant sont à leur meilleur niveau, sont sans doute tout à fait injouables. Et l'autre petit événement Warriors, c'est Boogie, le retour. Il est revenu de blessure de Marcus Cousins, pour donner son nom, et il démarre donc sous ses nouvelles couleurs de Golden State Warriors, avec une première victoire face aux Los Angeles Clippers de Tobias Harris. Allez, on enchaîne sur la boxe, et un titre majeur pour les Français, notamment un certain Oubali. Oui, Nordine Oubali s'est emparé du titre vacant WBC des poids coqs en battant l'Américain Raushi Warren au point samedi à Las Vegas. Nordine Oubali, 32 ans, a fait l'unanimité. Il a décroché le jackpot au point pour accrocher à sa ceinture ce titre. Et donc, belle perf du Français. Dans une catégorie moins connue, il signe ainsi sa 15e victoire en autant de combats chez les professionnels, dont 11 avant la limite. Remarquable. Les poids coqs, juste pour vous le dire, c'est en gros entre 51,7 et 53,525. Donc pour dire en gros, c'est très précis justement. Tout à fait. Kilo, donc petite catégorie. Il y a aussi la NFL, on en a parlé la semaine dernière, et le Super Bowl se profile. Le Super Bowl se profile, c'est pour donner l'affiche. On a eu les finales de conférence hier soir, et la victoire donc des New England Patriots de Tom Brady à nouveau sur les favoris de la saison. Pour autant, les Kansas City Chiefs et leur prodige Patrick Mahomes, 37-31 après prolongation. Leurs adversaires seront les Los Angeles Rams de Jared Goff, qui se sont imposés dans un match au final haletant face aux New Orleans Saints, 26-23. Le Super Bowl aura lieu le 3 février 2019 et les Patriots souhaitent prendre leur revanche, sachant que l'an dernier ils avaient perdu contre Philadelphie 41-33. Les Saints qui peuvent s'estimer, juste petite remarque un peu lésée, parce qu'il n'y a pas eu un arbitrage vidéo, je crois qu'on appelle ça un call, oui, à la dernière minute sur une faute pourtant évidente d'un joueur des Rams. Ouais. Qui aurait pu donner la victoire aux Saints. Donc gros oubli dans un match très très serré. Et donc ce sera le 10e Super Bowl pour les Patriots et le 9e pour le seul Tom Brady, une légende de son sport. On a parlé la semaine dernière aussi, c'était le début de la saison de cyclisme avec le Tour Down Under. Victoire sud-africaine d'ailleurs. Victoire sud-africaine en ouverture de la saison sur route avec ce traditionnel Tour Down Under. Cette année, il a vu la victoire du sud-africain ancien maillot jaune sur le Tour de France Daryl Impey. Richie Porte a remporté à domicile à Willunga Hill l'étape reine pour la 6e année consécutive. Facile. Impey devance au général Richie Porte justement et Wout Poels du team Sky. Le premier français Rémi Cavagna se classe 29e pour Quickstep. Il y a aussi, là on repasse au sport d'hiver, c'est le combiné nordique avec la manche de Chauneuf en France, et aussi un triomphe encore une fois autrichien. Un sport dont on ne parle pas si souvent, démocratisé en France par un certain Jason Lamy Chapuis, champion olympique à Vancouver en 2010. Et donc c'était l'étape française de Chauneuf dans le Jura, un week-end 100% autrichien et des Français en petite forme finalement. Au terme de l'épreuve de dimanche, constituée de 2 sauts sur le tremplin et 15 km de ski de fond, c'est l'autrichien Mario Seidel qui remporte le triple, le premier de l'histoire de Chauneuf. Et enfin, on va finir avec le ski alpin, avec notamment le progrès de nos Françaises. Des progrès pour nos Françaises, notamment Romane Miradoli, qui a fait un beau résultat, 5e, sur la descente du côté de Cortina d'Ampezzo en Italie, dans une descente remportée par Ramona Siebenhofer. C'est son meilleur résultat, et ça fait plaisir de voir qu'il n'y a plus que Tessa Worley qui performe chez les filles. Tessa Worley, quant à elle, a été 2e du géant à Kronplatz, derrière l'intouchable Michaela Schifrin, également vainqueur ce week-end en Super G à Cortina. Et pour finir, encore une note positive, c'est Clément Noël victorieux à Wengen. Un grand événement effectivement, avec une première manche de haute volée du jeune Clément Noël, 21 ans. Il a conservé son avantage lors de la seconde manche pour s'adjuger la première victoire de sa carrière en Coupe du Monde en Suisse devant les Autrichiens Manuel Feller pour 8 centièmes et Marcel Hirscher pour 1 dixième. Le maître Marcel Hirscher qui l'aura donc battu ce week-end. Le jeune skieur français de Val d'Isère confirme sa montée en puissance et sa forme du moment après son premier podium à Adelboden la semaine passée. Ce n'était pas faute de vous avoir prévenu d'ailleurs. Et il entre désormais dans le top 6 du classement général en slalom. Il est 5e. C'est un vrai skieur à suivre. Très bien, on a fini avec les résultats de la semaine. Ça a été complet malgré cette info assez vaste. Parce qu'il y en avait quand même beaucoup d'infos ce week-end. On va passer à notre deuxième chronique, c'est les sports montpelliérains. Sport and chill, le sport montpelliérain. Un petit bilan de week-end, pas beaucoup de matchs, 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Donc c'est assez stable, on va dire, pour les sports montpelliérains. On va faire on va peut-être parler avant des 3 gros clubs. Commencer par le MHFC, 1-0-0, un peu à l'image du match ou pas du tout? Non. J'ai trouvé un... Moi, je suis pas d'accord, mais... C'est pas... c'était pas un grand match de Ligue 1, on va pas exagérer. Mais il aurait pu avoir quelques buts dans ce match. Montpellier-Rennes tape le poteau avec une frappe de mollet, magnifique arrêt de Koubek, le gardien rennais, qui l'envoie sur le poteau. Ben Arfa aussi. Ben Arfa tape le poteau 2 fois en 5 minutes. Puis il y a eu quelques autres occasions. Après, voilà, la pelouse n'était pas top. Montpellier doit se retrouver à 10 en première mi-temps avec Aguilar qui doit se faire expulser pour moi avec un coup de pied dans la figure, involontaire certes, mais ça doit être carton rouge. Oui, c'est vrai, ouais. Donc on s'en tire pas trop mal sur le coup et sur la situation comptable, Montpellier, je pense que ça reste un bon point extérieur. Ça reste un bon point extérieur, mais c'est vrai que vu les attentes que maintenant les supporters ont. C'est quand même une équipe pardon qui stagne. Ouais, la dynamique est pas bonne. Il va falloir se reprendre dimanche contre Caen. Victoire impérative. Ouais. Si ça, on veut, ça va le faire contre Caen. Si on veut jouer l'Europe après, voilà, pour Montpellier, on est 6e, c'est très bien. Ouais. On va passer à notre sport, c'est le rugby, surtout le MHR. Oui. Là, cette fois-ci, c'est pas un match nul, c'est carrément une défaite. C'est la soupe à la grimace, effectivement. On l'avait annoncé un peu. Hein. Faute de temps, nous n'avons pas eu l'occasion de beaucoup parler de rugby. Je signale juste du coup que 2 clubs français se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Racing, d'ailleurs, recevra le Stade Toulousain. Ils se joueront directement. Les 2 français restants. Les 2 clubs français restants, exactement. Donc ça se jouera sur le terrain du Racing. Pour Montpellier, justement, ils avaient une bonne carte pour éventuellement se qualifier en quart de finale, mais ils devaient réaliser un petit exploit, celui de l'emporter sur la pelouse d'Édimbourg, qui recevra d'ailleurs le Munster, et il n'en fut rien. Défaite 19-10 sur le terrain des Écossais. Les Montpelliérains ont été un temps dans la course. Alors le début de match n'a pas été très très facile, mais juste avant la mi-temps, ils marquent un essai important qui aurait pu être prépondérant par Jacques Duplessis. Je me suis dit que c'était peut-être le tournant dans notre sens lorsque j'ai regardé le match. Et puis finalement, en seconde mi-temps, petit à petit, les Écossais ont repris l'ascendant jusqu'à marquer un essai, je crois, à la 62e minute. Et donc, il fallait vraiment que Montpellier, au vu de son classement, remporte ce match pour se qualifier. Ils avaient trop peu de points pour espérer passer meilleur deuxième. Hein. Ils finissent dans les 2 moins bons meilleurs deuxièmes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas qualifiés. Et donc, cette élimination, finalement, constitue un échec majeur cette saison pour l'effectif 5 étoiles, on peut dire, du président Moed Altrad et du coach Cotter. Et finalement, pour vous, petite question rapide, est-il à craindre une saison blanche pour le Montpellier au rugby? Donc je veux dire par là, une saison sans aucune phase finale, tant au niveau européen que national en top 14. Bon, je persiste à penser que la 6e ou 5e place qui nous qualifierait pour les barrages de championnat est encore jouable. Là pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est un échec majeur pour la Coupe d'Europe parce que c'est toujours la même rengaine depuis 2013. C'était le seul cœur qu'on avait réussi à faire face à Clermont et depuis c'est le néant absolu malgré un effectif qui est d'année après année taillé pour se qualifier largement. Je pense que c'est encore possible, mais on commence à rentrer dans le money time du championnat. Il reste encore une grosse dizaine de matchs et pas des moindres, donc il faudra bien les négocier. C'est pas encore perdu, mais il faut se mettre à la tâche dès le match suivant, quoi. Oui, à signaler juste qu'on perd sans doute la qualification dans un match totalement fou contre Newcastle. Une fin de match haletante où on finit par craquer et qui montre aussi notre difficulté à gérer en équipe les temps faibles et à aller remporter des victoires qui permettraient d'aller chercher une qualification en quart de finale. Mais encore faut-il avoir les moyens d'aller encore plus loin. Tu crois encore, toi, Yacine, au regain de forme en championnat ? Pour moi, la 5e ou 6e place est encore jouable, mais ça s'arrête là. Ok, avant de parler du dernier gros club, entre guillemets, le handball, on va faire une petite info en bref de ce que j'avais noté. Pêle-mêle, tout à fait. La victoire, deux victoires, on peut parler du volley, après la victoire la semaine dernière face aux voisins, c'est toi. C'est cette fois-ci dans le choc de l'Occitanie face aux Spacers de Toulouse, victoire 3-7 à 1 des Montpelliérains, victoire d'autant plus importante que les Toulousains étaient en forme car récemment vainqueurs de Chaumont le week-end précédent. Donc Chaumont qui, pour ceux qui ne savent pas, est quand même un cador du volley. Et donc grâce à cette victoire, les volleyeurs remontent sur le podium de Ligue A avec une victoire de retard sur Tours les premiers sur les deuxièmes et deux de retard sur Rennes les premiers. Une victoire aussi salvatrice pour les Vipers, le hockey 5 buts à 3 contre Dunkerque à l'extérieur en plus. Et en plus c'est des concurrents directs au play-off à la descente. 3 points de la victoire qui font passer les hockeyeurs de la 11e à la 9e place. Et on le rappelle, c'est de la 11e jusqu'à la 14e place qui ont les play-offs de la descente. Donc ça se passe plutôt bien pour les promus. Et défaite surprise. Des gazelles du BLMA 77 à 80 contre Charleville-Mézières à domicile en plus. Les filles étaient en pleine bourre pourtant en championnat et en plus elles recevaient donc leur adversaire du jour. Après un match coude à coude, c'est donc une défaite dans les derniers instants pour les gazelles, sans trop de conséquences tout de même au classement, mais tout de même assez important. D'autant de plus que les Lyonnaises et Bourges, je crois, jouaient ce week-end également, donc ça a permis aussi à Montpellier de relativiser cette défaite. Et Charleville qui est aussi largement en course pour les playoffs, donc c'était pas n'importe qui en face également. Un petit point en plus, on a appris cette semaine que Montpellier recevra les championnats d'Europe de volley cette année en été, dont l'équipe de France et son groupe, donc à l'Arena. Donc pas mal. Ça va suivre par Sport & Chill, ça. En plus, juste après la Coupe du Monde féminine. Ouais, c'est pas dégueulasse pour Montpellier. Il y a ce qu'il faut. Capitale du sport. D'ailleurs, Coupe du Monde féminine, parfaite transition. Petit focus sur le MHSC féminin qui est actuellement en trêve internationale. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de cette année pour le MHSC féminin ? Année déjà terminée, puisque en Coupe de France, c'est terminé depuis cette année, il y a quelques semaines, après la défaite contre le Paris FC 1-0 à domicile. Puis en championnat, ce n'est guère mieux. Le MHSC se bat avec les Girondins de Bordeaux qui, pour la troisième place de championnat, qui est malheureusement pas qualificative pour la Champions League. Un mauvais parcours en championnat, notamment à cause d'un début de saison on peut le dire chaotique. Les filles ont été pendant même un moment relégables au début de saison, tellement il a été mauvais. Pourtant, grosse saison l'année dernière avec l'effectif qui est relativement resté stable avec deux recrues uniquement, donc la Suédoise Maria Banusic qui ne joue pas beaucoup. Cela conforte un peu le contingent suédois au MHSC, donc il y a 5 joueurs 5 joueuses du coup suédoises venant donc de là-bas, et cette recrue a été achetée pour les saisons à venir, selon les dires de l'entraîneur Jean-Louis XVI. L'autre recrue, c'était Maï Kitt, donc une Canadienne qui elle non plus ne joue pas énormément, mais qui est aussi un jeune talent qui jouera sûrement dans les années à venir. L'objectif est donc de finir 3e et attendre la fin de saison tranquillement. De toute façon, je pense que notamment les filles veulent se faire remarquer pour la Coupe du Monde féminine, pour je pense se faire prendre dans la sélection, tout simplement. Prochain match contre le PSG à l'extérieur, le 2 janvier à 21h. Voilà tout, on va finir avec ce qu'on a appris aujourd'hui, la petite conférence de presse du MHB, donc Montpellier Handball, avec quelques enseignements à tirer. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement de ce qui s'est dit ? Alors, pas mal de choses dans cette conférence de presse des vœux du club aux médias. Alors, le thème global, c'était le fait que les dirigeants ont l'ambition de construire un effectif sur la durée. Des joueurs comme Porte, Simonet et Richardson ont prolongé, et 2 ans pour Melvin. L'objectif étant d'éviter un départ comme celui de Fabregas l'été dernier. Le président Lévy a insisté sur 3 points, donc poursuivre la progression de l'effectif, recruter des internationaux français ensuite, et enfin recruter des joueurs expérimentés en Ligue des Champions. Au niveau du recrutement, le club a fait signer le gardien croate Marin Cego, que l'on voit actuellement au Mondial, l'international portugais Gilberto Duarte, pour 3 ans, ainsi que son compatriote Alexis Borges. Sur le cas Mikael Guigou, qui fait beaucoup parler en ce moment, le club est disposé à le faire signer 3 ans, mais en tant qu'entraîneur seulement, et non pas en tant que joueur, puisqu'il faut renouveler les effectifs. Ils ont fait un contrat de 5 ans, où ils lui ont dit, tu signes 5 ans, mais tu joues 2 ans, et les 3 dernières années, ce sera en tant que coach. Ce sera une sorte d'intronisation, c'est pas mal ouais. Ça. Ouais, et puis c'est un contrat qui avait été, qui avait été conclu il y a quelques jours. Oui, voilà, ça date pas d'hier. Il y a 2 ans. Ça date il y a 2 ans déjà, oui, tout à fait. Où il y avait déjà une polémique d'ailleurs sur la prolongation. Sur la prolongation du joueur. Du côté des non-reconductions de contrat, Vitka Kaftichnik, j'y arriverai jamais, Mohamed Mabdou et Arnaud Bingo quitteront le club en fin de saison et des négociations vont être entamées normalement bientôt avec Mathieu Grébi, Jean-Loup Faustin et Mohamed Afgour. Donc la politique du club, en fait, elle est dictée par la gestion de la masse salariale pour arriver dans les clous pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions en 2020. Et enfin, en fin de conférence de presse, le co-président Serge Granger a annoncé qu'il quitterait ses fonctions en fin de saison. Ok, bah très bien voilà. Pour ces infos du MHB qui étaient importantes. On va passer à notre première pause musicale. Tim, qu'est-ce que tu nous as concocté ce soir? Je souhaitais vous emmener un petit peu au Brésil en ces temps de fraîcheur là. J'ai choisi Afro Medusa, Pasilda. À la tout de suite. Thank you. De retour sur Sport & Chill, c'était Afro Medusa, c'était brésilien si je ne me trompe pas, mon cher Tim, avec le titre Pasilda. On passe tout de suite au jingle interview. Sport & Chill, l'interview. L'interview chill. Et ce soir, nous recevons des athlètes. On va parler athlétisme, on va parler triple saut, mais aussi heptathlon. Bonsoir à tous. Comment ça va? Un peu stressé ce soir ou pas du tout? Bonsoir, tout va bien, non? Ça va. Tout va bien, non? Oui. Bon, ça va, ça a l'air. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter à ceux qui nous écoutent, nom, prénom, puis voilà, ce que vous faites surtout, notamment la discipline? Bah, moi, pour commencer, je suis Lionis Guillaume, je suis en catégorie espoir et je fais du triple saut et j'ai reprendre le 100 mètres et là, sous peu. Ok, tu as 21 ans? Oui, j'ai 21 ans. Ok. Moi, je m'appelle Abdelkader et je suis le collègue d'entraînement d'Lionis Guillaume. Mm-hmm. Et je fais du saut longueur et je fais du 110 mètres et aussi. D'accord. Les filles, du coup? Moi, c'est Victoria Binet, je suis cadette, j'ai donc 16 ans et je fais des épreuves combinées. D'accord. Voilà. Moi, c'est Marin Vaya. Je fais les épreuves combinées aussi comme Victoria et je suis junior. Ok, bah justement, cette première question, épreuves combinées, ça veut dire quoi? Est-ce que ça ressemble à l'heptathlon ou c'est un peu d'un peu de tout? Oui, c'est l'heptathlon en fait. Mais c'est de l'heptathlon. Ouais. Et ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans l'heptathlon pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, il y a dans l'ordre le 100 mètres et la hauteur, le poids et la longueur. Le 200 mètres. Ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, après, on a longueur, javelot et 800 mètres. D'accord, c'est 8, 8 exactement épreuves ? 7. 7, 7, 7. Épreuves. 7 pour les filles. Hepta, oui, moi. D'accord, on va peut-être parler donc, des disciplines. Revenir peut-être aussi au triple saut. Comment on peut aussi se spécifier dans le triple saut? C'est comme Abdelkader fait du saut. Du saut en longueur. Du saut en longueur. Est-ce que il y a différentes caractéristiques pour le triple saut et le saut? Ou généralement tous ceux qui font du saut font aussi du triple saut? Non, pas forcément, mais après en global c'est un peu la même chose, c'est de faire une impulsion et de sauter dans le sable pour la longueur, et le triple saut donc c'est 3 impulsions avant d'atterrir dans le sable. Et donc la différence où ça pourrait attirer les personnes qui aiment les risques et qui aiment on va dire la complication, parce que c'est une épreuve assez compliquée et assez traumatisante pour le corps. Et oui. Est-ce que tous les sauteurs peuvent faire du triple saut? Quand on veut, on peut. Je parle de ce principe-là, quand on veut, on peut. Après, s'il peut être performant, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est possible. Et quelles sont les qualités un peu pour être un peu heptathlonien? J'aurais du mal à le prononcer, je crois que ça sera la dernière fois que je le prononce. Et un peu triple sauteur, c'est quoi les qualités premières? Avoir un gros mental, avoir... Oui, le mental, oui, c'est ça. Pour tous les sportifs. Oui. Ouais. Peut-être plus que d'autres. Quand, par exemple, justement, quand on saute et qu'on voit peut-être au bout de certains essais qu'on n'y arrive toujours pas, qu'on touche la bande ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête? Qu'est-ce qu'on se dit? Ben, c'est ça, il faut être motivé, il faut être persévérant et il ne faut pas baisser les bras. Donc, après, grâce aux compétitions, grâce aux hauteurs, c'est-à-dire des compétitions, si c'est championnat de France, championnat régionaux, et avec le fait d'en faire beaucoup, ça nous apprend à être persévérant, justement. Et au niveau de votre discipline, vous êtes accompagné de combien de personnes? Est-ce qu'il y a des préparateurs physiques, des entraîneurs, des coachs mentaux, ou je ne sais quoi, des kinés? Bah oui, on a chacun nos entraîneurs, on voit des kinés, des psychologues ou des... Après, pour nous. D'accord, c'est assez vaste, il n'y a pas uniquement un entraîneur. Non, on est encadré de plusieurs personnes. Ok, donc j'ai posé cette question sur le mental. Et au niveau physique, combien d'heures on s'entraîne par semaine? Est-ce que c'est la même chose pour les sauteurs, on dit ça comme ça? Oui. Les sauteurs et les heptathloniens. Est-ce que d'ailleurs on vous considère comme ça, heptathlonien, ou on dit autre chose? Ou athlète? Athlète aussi, ça. Des heptathlètes. Heptathlètes. Ok. C'est peut-être mieux à dire heptathlètes. Encore que. Encore que, oui. Du coup, combien d'heures on s'entraîne par semaine à peu près? Nous, on s'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Des entraînements entre 2 heures et 3 heures. Ouais. Voilà. Et une journée type à peu près, donc C'est les cours pour nous, et après le soir l'entraînement. D'accord. Et voilà. Et pour vous, du coup Pour nous, enfin du moins pour moi, non, parce que j'ai plus à l'école, c'est plus par correspondance. Donc du coup, c'est le matin, souvent vers 10h jusqu'à midi, 13h, entraînement. Après, on va à la salle de muscu pour faire du renforcement, s'il y a besoin, les soins de kiné. Après, souvent, il y a du bi-quotidien, c'est-à-dire qu'il y a deux entraînements par jour. Ouais. Donc on reprend à 14h30, 15h pour finir vers 16h30. Et okay. Après, on refait des abdos, si on a besoin pour le kiné, tout ça, et voilà. C'est justement ma question, je me disais, est-ce qu'on fait uniquement sa discipline, on fait uniquement du saut, ou ça chiffre à combien au niveau du pourcentage? Est-ce qu'on passe beaucoup plus de temps à la salle qu'autre chose quand on est athlète, quoi? Nous, pour l'instant, vu qu'on est encore jeune, on ne fait pas beaucoup de musculation, donc pour l'instant, on passe plus de temps sur un stade à faire nos épreuves, mais on a quand même du temps... Okay. En faisant de la préparation physique. Vous avez dit que vous faisiez aussi du 110 mètres haies, si oui, 100 mètres haies. 100 mètres haies. 110, c'est pour mon collègue. D'accord, oui, c'est vrai. Pour... est-ce que ça aide justement dans le saut Oui, faire ça aide parce que c'est de la vitesse et donc dans le saut, il faut acquérir une certaine vitesse optimale, pas maximale, pour pouvoir sauter le plus loin. Donc ça aide, ça va ensemble. Il y a une différence entre optimale et maximale du coup? Optimale, c'est la vitesse maximale qu'on peut atteindre sur un sautoir, et maximale, d'accord, c'est vraiment la vitesse maximale. Ok, est-ce qu'il y a une manière différente un peu de sauter en triple saut? Je sais que par exemple, en saut en hauteur, on a plusieurs manières de sauter, mais en triple saut, est-ce qu'il y a plusieurs méthodes? Non, c'est toujours foulée, cloche, ramener. Après, ça dépend des personnes qui vont faire un cloche plus grand que d'autres, qui vont faire un ramener plus long que d'autres, ou une foulée plus longue que l'autre. Mais sinon, la forme du saut, c'est toujours la même. Ok. Est-ce qu'il y a des préférences, peut-être, pour revenir sur l'heptathlon, est-ce qu'il y a des préférences sur certaines épreuves? Oui. Ouais, quand même. Est-ce que, lesquelles, du coup? Bah, pour moi, ce serait les courses et les sauts. Ouais. Donc, il y a des trucs justement que tu n'aimes pas, des disciplines. Oui, bah, le javelot pour moi c'est pas du tout mon fort, et en plus j'aime pas ça et c'est ma moins bonne épreuve, en fait. Ok, inversement, je crois, pour le javelot. Ouais, moi c'est plus le 200 mètres, comme au sprint je suis pas très forte, du coup c'est ce que j'aime le moins, mais après dans toutes les épreuves, les sauts et tout, j'aime bien. Ok, est-ce qu'il y a une épreuve qui vraiment on peut pas louper, quoi? C'est-à-dire que si on la loupe, on est vraiment dans la mouise au niveau du classement. Ben, si on loupe n'importe quelle épreuve, on est dans la mouise. Ouais. En fait. Il n'y a pas vraiment un truc où on peut tout perdre, peut-être la Après, il y a des épreuves qui donnent plus de points que d'autres. Ouais. Par exemple, les lancers sont peu favorisés. D'accord. Donc, si tu fais une grosse perf au javelot et que tu fais de la merde, on va dire, sur le 200 mètres... Tu as le droit. Ça ne compte pas trop, tu vois, du coup. Okay. Il faut être fort un peu partout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les épreuves ont un nombre de points par rapport à la performance, parce que j'ai aussi fait des combinés avant, c'est d'accord, pour ça. Okay. Et donc, chaque performance que tu fais, ça va apporter des points qui vont être tous rassemblés et qui va faire la perf final. Voilà, au total. Mm. Ok. J'ai l'impression que quand on fait de l'athlétisme, on est obligé d'être polyvalent un petit peu. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est mieux. Est-ce que oui, Yacine, tu avais une question, je te laisse. Moi, j'avais une question, en fait, par rapport au temps que vous avez au niveau d'abord de la pratique, de l'entraînement, du renforcement musculaire, des compétitions éventuelles, et également des études, ou même par correspondance. Avec tout ça, est-ce que vous avez le temps, vous quatre, d'avoir des loisirs? Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez déjà à gérer déjà cet emploi du temps très conséquent? Et est-ce que vous arrivez à vous octroyer un peu de temps libre en dehors de tout ça? Kader, vas-y. C'est très difficile, parce que l'entraînement, ça prend beaucoup de temps, et les cours aussi. Et du coup, on a peu de temps pour nous. Et quand on a un petit peu de temps, on les passe avec nos amis, nos proches. Surtout à dormir. C'est ça. Les loisirs, c'est aussi un petit peu faire du sport. Voilà, peut-être, c'est déjà, c'est surtout ça. Ouais. Il faut être passionné quand même pour faire de l'athlétisme. Il faut en avoir envie. Oui, au niveau, oui, parce que tu t'entraînes un peu tous les jours, du coup. Ouais. Si t'aimes pas toujours facile. Ouais, c'est compliqué. Il faut en prendre du plaisir. En ce qui concerne peut-être le financement, ce serait peut-être pour les plus âgés, entre guillemets. Est-ce que c'est encore ça fait partie des disciplines où on est obligé de faire du sponsoring pour s'en sortir? Est-ce qu'on peut vivre un peu de l'heptathlon ou même du triple saut? Non, sauf si on est vraiment au top. Sauf si on est Kevin Mayer. Oui, à un certain niveau, on peut vivre de l'athlétisme. Mais à un certain niveau, en fait, très fort à avoir ce niveau. Il faut s'appeler Teddy Tango, quoi. Ouais. C'est ça. Ou presque. Ok, ok. On va passer un peu à des questions, j'ai pas envie de dire personnelles, mais un peu plus sur la carrière. Comment vous avez commencé l'athlétisme? Comment on est arrivé, on peut arriver d'ailleurs au triple saut? Alors, pour répondre à la question, comment j'ai commencé l'athlétisme? Ouais. Moi, parce que je crois que quand j'étais petite, j'étais hyper active. Donc, j'étais trop folle. Donc, ouais, voilà. Après, c'était un des professeurs dans mon collège qui a dit que je courais vite et qui a contacté un de mes coachs, de mes anciens coachs. Et donc, voilà. Après, j'ai commencé par les épreuves combinées, par plusieurs épreuves. Puis, l'année d'avant, je me suis spécialisée sur le 100 mètres et le triple saut. L'année dernière, sur le triple saut. Et là, cette année, je reviens avec triple saut et 100 mètres et. C'est quelqu'un qui t'a conseillé d'aller en triple saut ou c'est toi qui... On m'a conseillé, donc du coup j'ai voulu essayer et je voyais que ça marchait bien, donc voilà, pourquoi pas continuer. Ok. Abdelkader, comment ça s'est passé pour toi du coup? Moi, c'est ma mère qui m'a mis dedans. Ouais. Je courais un petit peu partout, du coup elle m'a mis dedans et. Vous êtes tous hyperactifs. Je crois. Ça sert. Ouais. Et pour revenir, le choix de ma discipline, c'est simple, c'est. J'aimais bien les haies et les haies et la longueur, c'est compatible. D'accord. Grâce au haies, on peut pas faire de bonnes performances sur la longueur et ainsi de suite. Ok. Et vous, du coup? Moi, j'avais mes parents qui couraient déjà et du coup, je suis allée à un entraînement une fois de mon père et j'ai essayé. Et puis, ça m'a plu. Du coup, j'ai continué. Ok. Voilà. D'accord. Et puis, ouais, j'ai t'as tout de suite accroché. Ouais, j'ai tout de suite accroché, puis j'ai tout testé. Ouais. Et du coup, j'ai continué sur les épreuves combinées. D'accord. Sur les tâtelons. Et ben, pour ma part, moi, c'était au collège, à l'UNSS, on devait faire les crosses. Ah, j'allais dire justement, personne n'a parlé de l'école. Mais... Du coup, j'ai commencé par les crosses, et je ne sais plus du tout ce que je fais. Et après, quand on est Benjamin, il y a les triathlons, c'est les trois épreuves. Mm-hmm. Et après, au fur et à mesure, quand on passe minime cadet, j'ai essayé les épreuves combinées. Et d'accord. J'aimais bien, du coup, je suis continuée sur cette voie. Est-ce que l'accomplissement pour un athlète, c'est les Jeux Olympiques pour tous? Inch'Allah. Oui. Ouais. Oui. Oui. Les Jeux Olympiques. Tous, ouais. Et c'est quoi la prochaine grande étape, peut-être pour vous, là? La grosse compétition qu'il faut pas louper, quoi. Enfin, je vais tout faire pour aller à des championnats d'Europe, à Goslo, je sais plus trop comment on dit. Quel pays, exactement? Waouh. Ouais. On va dire la Suède, au hasard. Coupé. Et ouais, il y a des championnats d'Europe, championnats du monde, puis après les JO, et voilà. Ok, bon, je crois que les JO, je pense que pour tout le monde, oui, c'est les accomplissements finaux. Ouais. Voilà. Et donc, ça serait lequel? Surtout en France, peut-être, 2024. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre discipline de l'athlétisme que vous aimez pratiquer? Est-ce que, par exemple, la perche, vous avez déjà fait ou pas du tout? Jamais. Non. Est-ce que ça vous tente d'ailleurs de faire des fois d'autres disciplines dans l'athlé? Bah, moi, ça ne me dérangerait pas d'essayer la perche, ça, parce que c'est un peu plus ludique, on va dire. Et puis, ça serait marrant d'essayer, je trouve. Moi, pour ma part, j'ai déjà fait de la perche, mais c'est très technique. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment dur. Ouais. Moi aussi, j'ai essayé, c'est ouf. Bah, les débutants, c'est vraiment chaud, quoi. J'ai l'impression qu'il faut être casse-cou un peu aussi pour faire de la perche, non? Ouais. Moi, il ne faut pas avoir peur aussi de se mettre dans le vide. Ouais. C'est pour ça que j'ai jamais fini après. Si vous n'avez pas fait de l'athlétisme, quel sport vous auriez aimé faire? S'il y en a un. J'aurais aimé faire du football américain. Mais en France, c'est pas trop coté. Et aux États-Unis, il faut dire que les filles ne sont mises en valeur que par rapport au physique. Là-bas. Donc, football américain, voilà, ça donne moins envie aussi. En effet. Mais voilà, football américain, sinon basket. Et voilà, peut-être voler. Ah ouais, bah ça fait déjà pas mal. Et sport collectif. D'autres, du coup, non? Moi, du foot. Ouais, foot. Et mes frères font du foot, du coup, j'aurais su là-dedans. Donc, tu es le seul de la famille qui fait de l'athlé? Ouais, je suis le seul. Okay. Et à côté, je fais du foot. Ok, ouais. De temps en temps. Est-ce que ça peut aider d'autres sports pour ton sport principal? Non. Mais l'athlétisme, ça aide beaucoup pour d'autres sports. Ouais, d'accord. C'est vrai? C'est la base. Oui, Ah, d'accord. Et pourquoi ça, justement? Parce qu'on a une très grosse préparation physique et nous, on est. Comment dire? Sur nos appuis, on est mieux que d'autres sports. D'accord. L'athlétisme, ça travaille sur toutes les parties du corps, c'est surtout. C'est pas nous, on est éreintés au bout de 5 minutes de futsal, clairement. Quel est votre meilleur souvenir pour l'instant de votre jeune carrière? Est-ce que vous en avez un? Votre pire souvenir, peut-être? Ça, vous en avez un, peut-être, aussi. Pour ma part, Je sais pas encore si c'est pur ou meilleur souvenir, parce qu'il y a les deux sensations. J'ai fait les championnats du monde à Cali, en cadette, et j'ai fait deux fois quatrième. Ah oui. Au triple saut, j'ai fait quatrième avec 2 cm d'écart avec la troisième. Et au 100 mètres haies, j'ai fait quatrième avec 2 centièmes d'écart avec la troisième. Donc en même temps, on peut dire que une personne qui ne connaît pas, enfin qui n'est pas fond dans le sport, pourrait dire que c'est bien, que c'est des bonnes performances. Je dis aussi pareil, c'est des bonnes performances, tout ça, mais en tant que... C'est une bonne chose de se dire quand même que c'est dommage et d'atterrir aussi près du podium. Voilà. Mais pour une personne qui est de haut niveau, ben, voilà, c'est décevant et c'est le fait de passer à côté de places internationales, ça... Bah, je trouve que ça veut dire que tu as envie d'aller chercher plus loin. Oui, d'accord. C'est sûr. Pas d'autres bons souvenirs peut-être à partager? Non. Est-ce que vous voyagez beaucoup ou pas? Oui, ça aide beaucoup à voyager. Oui, oui. Voyager loin ou juste en Europe, par exemple? Pour ma part... Juste faites-nous un peu rêver aux auditeurs, moi, peut-être. Moi, je suis allée en Colombie grâce à l'athlétisme, donc les championnats du monde en Colombie. Je suis allée en Pologne, championnat du monde. Je suis allée en Azerbaïdjan, championnat d'Europe. Je suis allée en Italie à Grosseto. Et donc voilà, donc j'espère que ça va continuer. Donc ça fait découvrir des pays, des cultures et c'est très intéressant. Ok. Comment on gère son stress avant une grande compétition ou avant une grande course ou lancer ou saut, etc. Non. Comment on gère stress? Normalement, on n'a pas de stress. Normalement, on a. Normalement. Ouais. On a que l'adrénaline, normalement. D'accord. Ouais. Parce que tout ça, on l'a fait à l'entraînement. Normalement, ça doit bien se passer. Et alors, en compétition, on doit donner le meilleur de nous-mêmes pour faire une meilleure performance possible. Est-ce qu'on gère mieux quand on est outsider que favori sur une compétition? Est-ce qu'on se sent plus libéré ou pas du tout? On aime bien sentir le fait qu'on soit favori. Ça dépend. Ça peut mettre la pression aussi parce qu'on a des attentes sur les épaules, entre guillemets. Donc c'est... T'as plus de pression parce que tu sais que tu dois. Après, ça dépend peut-être des personnes. Oui, ça dépend des gens. Oui, ça dépend des gens. Il y en a, c'est l'armée. Ça dépend des personnes parce que j'ai été dans les deux cas. On va dire au début, quand j'ai commencé l'athlétisme, j'étais souvent en tête et souvent les gens t'attendent et. C'est pas que t'as pas le droit à l'erreur, mais les gens t'attendent. Donc déjà, tu sais que les gens t'attendent, donc ça met une pression en plus. Et là, l'hiver dernier, quand j'ai fait championne de France élite, j'étais pas du tout en tête. Donc du coup, personne ne m'attendait, donc j'avais aucune pression. Et en fait, c'est comme si on avait rien à perdre, on avait qu'à gagner, donc ça me motive encore plus. Ok. De toute façon, il n'y a pas de pression, apparemment. Voilà. Est-ce que on voit souvent dans les grandes compétitions, justement, les sauteurs avoir des rituels, peut-être, ou faire peut-être des gestes. Par exemple, maintenant, les footballeurs le font aussi. On tire des coups francs, par exemple. On en connaît un certain portugais. est-ce que... comment on explique le rituel? Ça permet de mieux se préparer ou... Comment on explique ça? Est-ce que vous en avez ou pas? Avant de s'élancer, est-ce que vous en avez des... Pour ma part, j'en ai pas. Ouais. Et c'est chacun a ses petits tics avant de partir ou avant l'épreuve. Il se met dans son coin. Chacun a sa façon de se préparer après. Ouais. On voit aussi d'ailleurs beaucoup d'athlètes communier avec le public en demandant d'applaudir quoi que ce soit. La clap. Est-ce que ça aide vraiment à... Franchement, ça encourage. Ça donne la force. Ça donne la force. D'accord. On sent qu'on est soutenu. Parce que c'est vrai que c'est vrai. Mais c'est... Derrière notre télé, on se dit qu'est-ce qui se passe? Oui, Yacine. Oui, moi aussi, je voulais poser une question un peu par rapport à la pression, par rapport à l'environnement qui entoure la compétition que vous jouez. Est-ce que vous avez déjà été confronté à l'échelle française ou même étrangère à des gros publics en termes d'affluence et qui vous a un peu fait stresser ou en tout cas. Peut-être encore plus d'adrénaline. Et autre chose aussi, toujours par rapport à l'international, est-ce que vous avez été confronté, peut-être, est-ce que vous avez déjà réussi à dégager des tendances par rapport à des pays qui seraient ultra compétitifs, par rapport surtout à la France ou des choses comme ça? Merci, Yacine. Non, surtout, est-ce que vous avez déjà vu des gros publics, notamment, qui vous ont peut-être un peu impressionné? Moi, ce gros public... Est-ce que ça impressionne un peu les publics ou ça pas du tout? Non. Enfin, on fait abstraction. Je calcule pas. Je fais ma compétition. S'il y a des gens qui me regardent, ils me regardent, mais je regarde pas les gens qui me regardent. D'accord. On cherche pas le public. Normalement, on est focus sur. Parce que vu qu'on va faire l'épreuve, normalement, on est focus. Et... Ok. On se prend pas trop. Après, des fois, on sait souvent par rapport au championnat français, il y a des sponsors qui nous regardent, ça c'est sûr. Ouais. Après, les autres personnes. Ah oui, ça c'est peut-être autre chose. Quand on se sait regarder, c'est peut-être un peu une pression supplémentaire. Romain, oui, tu as une question également. Oui, j'avais une question, ça m'y a fait penser lorsque tu as parlé de Cristiano Ronaldo, mais en restant éventuellement sur la crise. Non, tu as parlé d'un portugais. Ouais, on ne sait pas de qui. En plus, tu m'as regardé. À part ça, ça doit pas être parce que je suis supporter du Real Madrid. Oui, je voulais demander sur les sportifs, alors peut-être tout simplement en athlétisme, mais vous aurez d'autres exemples peut-être. Est-ce qu'il y en a certains que vous avez vus au travers de leur performance, notamment en athlé, mais qui vous ont donné envie, ou vous étiez déjà dans l'athlétisme en tout cas, qui ont été des que vous voyez comme des modèles, où vous dites tiens, que ce soit dans le sport français ou peut-être international, ce sportif, voilà, il a vraiment un truc et qui me plaît, qui me donne envie moi aussi de me surpasser, voilà, d'une certaine manière j'aimerais bien devenir comme lui ou m'inspirer en tout cas de ce qu'il fait. Moi j'ai en tête Christophe Lemaître. Mais c'est pas que c'est pas un exemple, mais c'est moi je suis fier de lui parce que il a fait beaucoup de choses et il a eu une médaille au JO et il l'a mérité parce que il se l'est donné. Il a vraiment travaillé pour ça. Moi j'ai vu des personnes, ils croyaient pas en lui, mais faut jamais. Il a fait ses preuves. Ouais, voilà. Moi pour ma part, j'ai pas forcément de modèle ou. Non, je ne peux pas appeler ça des modèles, mais ce sont des gens qui donnent de la force, dans le sens où peut-être qu'ils sont passés par des moments où personne ne croyait en lui, en eux, où ils se sont blessés, et après ils sont revenus. Donc ça motive. Ça motive beaucoup. Ok, et vous les filles, du coup ? Non, moi non. Pas moi, je n'ai pas, non, pas d'idole, non, mais oui, on s'inspire après. On prend exemple. Ouais. Ok. On va finir peut-être... avec vos prochains objectifs sportifs, quelles sont les prochaines dates à cocher pour vous ? Parce qu'il y a, du coup, on en a déjà parlé, mais peut-être vous les filles ou Abdelkader, justement, les prochaines dates importantes ? Nous, dans deux semaines, on a les championnats de France, des pentathlons. Attention, pentathlon, c'est quoi du coup ? C'est 5 épreuves, vu qu'on est en salle, c'est 5 épreuves. Penta. Ouais. Du coup, juste quelles sont les épreuves qu'on n'a pas, ces épreuves de course du coup qui non, sont... non, il y a le javelot en moins parce que dans la salle on peut pas. Et c'est le 60 et à la place le 60 et à la place du 100 et ouais. Et après on a hauteur, longueur, poids et 800. Ok. Ouais. Et du coup, pour ta remarque Flo, pentathlon, c'est le pentathlon moderne où t'as du tir, de l'équitation. Ah oui, c'est, c'est un autre délire encore. Merci Romain. on va finir avec cette dernière question, sauf si nous en avez une peut-être en plus. Non, je vous regarde, non. Question toute simple, hein. Où serez-vous en août 2024 ? L'avenir nous le dira. Moi je sais, mais surprise quand même. Surprise, on espère que vous serez... dans une capitale française, on l'espère. On l'espère à tous. Je vous remercie d'être venu nous voir et d'avoir parlé un peu d'athlétisme en général. J'espère que ça a été cette première pour certains à certaines à la radio. Certains peut-être aussi. Oui. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, on vous remercie. Merci à vous. On va passer à notre deuxième pause musicale. C'est Bel Air avec le titre Everyday. À tout de suite. We'll be right back. Allez, de retour sur Sport and Chill, désolé, on rigole un petit peu. C'était Bel Air avec le titre Everyday. Qu'est-ce que c'était un petit peu ce petit titre? C'est un producteur français qui fait de la house que j'aime beaucoup. C'est avec du piano mélodieux, comme on aime. Voilà, bah. L'image de l'émission. Exactement, parce que tu as la parole est aux chillers. La parole est aux chillers. Qu'est-ce que j'ai hâte de ces nouvelles chroniques? Là, on les attend. Trois petites nouvelles chroniques, je vous le rappelle, la chronique match de légende, la chronique décalée, la chronique historique. Est-ce que quelqu'un veut se lancer un peu chaud pour commencer? Merci, allez. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler d'Alex qui est parmi nous, qui est arrivé depuis un petit moment. Mais, bonsoir. Bonsoir Alex, avec sa voix suave. Est-ce que tu veux commencer, mon cher Alex, avec ces petites chroniques décalées? Ça va un peu lancer les autres, je les sens pas. Moi je veux bien commencer, c'est pas dérangeant. Oh là là, tout de suite. Allez, Yacine va commencer sur l'historique. Désolé d'avoir pété les tympans de tout le monde. Il prend la main. Historique des conflits entre organisateurs de la Coupe d'Europe et les clubs anglais et français. Voici cette petite chronique historique, Yacine. Tout à fait. Alors en fait, je voudrais commencer tout d'abord par faire un petit rappel de ce qu'a été la Coupe d'Europe, donc la H-Cup au tout début, donc en 95-96. D'emblée, en fait, elle est marquée par l'absence des Anglais et Écossais. Parce que tout simplement, 12 équipes s'affrontent à ce moment-là. Il y a Bordeaux-Bègles, il y a Castres, il y a Toulouse, il y a quelques provinces irlandaises, il y a un club roumain, deux clubs italiens. Et déjà, pour des raisons économiques, les Anglais ne veulent pas y être. Il faut dire que les premiers pas de cette nouvelle Coupe d'Europe sont laborieux, car les premiers matchs ne soulèvent pas les foules, hein, à peine 2000 spectateurs en moyenne. Et c'est le troisième ligne Jean-Luc Sester, le Toulousain, qui a inscrit le premier essai de la compétition. Hein. Danny Kerr en fera de même lors du premier format de la compétition en 2014 lors d'un Arlo Queens-Castres. Ce boycott continue jusqu'en 97 et les Écossais et Anglais reviennent sur le devant de la scène au détriment des Roumains. Deux ans plus tard, comme par hasard, les Anglais boycottent à nouveau l'édition pour un motif qui reviendra souvent dans les années qui suivront, à savoir que les instances européennes doivent savoir faire de la compétition un business lucratif. Parce qu'en effet, pour les Anglais, business as usual, et c'est pas du tout le cas pour le premier format de la Coupe d'Europe. Ce début des années 2000 marque une stabilité du format, donc 24 équipes, 6 poules de 4. Les deux meilleurs seconds se qualifient aussi pour les quarts. Mais avec les Anglais, qui est-ce qu'il fallait pour protester? Les Français. Et ça va commencer surtout à l'époque de Serge Blanco, lorsqu'il était à la tête des instances françaises. Les deux pays estiment pouvoir monter au créneau au vu de leur légitimité, parce qu'en effet, de 1996 à 2006, 9 éditions sur 11 ont été remportées par qui? Par les Français et Anglais. Seul Ulster en 1999 et Edmundster en 2006 ont réussi à s'immiscer dans le palmarès. Les motifs d'insatisfaction sont nombreux. Hein. On a peur de la création des franchises galloises en 2004. On considère aussi que le nombre de clubs issus de la Ligue Celtique, aujourd'hui le Pro 14, ce nombre est trop conséquent car en effet sur 24 équipes, il y en avait 11 qui étaient qualifiées. Et surtout, c'était des recettes. Les recettes étaient mal partagées aux yeux de Serge Blanco, car en effet, 50% des 25 à peu près millions d'euros étaient reversés aux Celtes et aux Italiens, contre seulement 25 pour les Français et les Anglais chacun. Donc autant dire que là, pour les 9, le palmarès franco-anglais, donc 9 sur 11, ça, c'est. Enfin, en tout cas, c'était tout à fait illégitime pour les Français et Anglais. Et c'est à ce moment-là qu'au-delà du boycott, on a commencé à vouloir parler de nouvelles compétitions. J'y reviendrai plus tard. L'autre motif, et là, c'est aussi c'est pas un des moindres, c'était la gouvernance de l'instance dirigeante, à savoir Rugby Cup. Ce ERC était composé d'un conseil d'administration dont les membres étaient issus de syndicats qui représentaient leur pays en Coupe d'Europe, donc Irlande, Italie, Pays de Galles, Angleterre et France. Petit défaut, ces représentants syndiqués ne représentaient pas les clubs, mais seulement, selon les Français et les Anglais, leurs intérêts. Et en plus de ça, ces droits de vote au conseil d'administration étaient monnayables, puisque les Anglais, en 2006, proposent 2 millions de livres pour acheter les droits de vote des Écossais. disons-le clairement, à l'époque, les Anglais et les Français veulent tout simplement anéantir la représentation des clubs celtiques, ou en tout cas la minimiser le plus possible pour en faire un club très fermé, ce qui d'ailleurs le reste encore un peu. Bref. Et au-delà de ça, toujours dans la sphère économico-financière, les Anglais, qui voyaient surtout un intérêt lucratif, considéraient que la compétition n'était pas bankable. Et notamment, ils remettaient en cause de certains monopoles d'une marque de bière que je ne citerai pas. Et c'est en 2014, du coup, que les 2013-2014, que les Anglais franchissent la ligne rouge en affirmant vouloir faire sécession et créer de nouvelles compétitions, la Rugby Champions Cup, la RCC, qui était vouée, et là toujours dans une volonté d'affrontement avec la H-Cup, qui était vouée à s'élargir à des provinces de l'hémisphère sud. À l'époque, on parlait des Cheetahs ou de la Western Force d'Australie, de la ville de Perth en Australie, et même aux pays de l'Est, y compris l'Espagne aussi, hein. Donc en fait, on voulait clairement isoler les clubs celtiques. Donc c'est à ce moment-là que les Anglais sondent les Français pour voir s'il était possible qu'ils les rejoignent. Ils obtiennent gain de cause, donc finalement la Rugby Champions Cup ne durera pas, car le gain de cause est obtenu en 2014. Le nombre des clubs anglais et français passe à 6, voire 7, en fonction d'un barrage, tandis que les clubs celtes et italiens passent de 10 à 7. 20 équipes sont désormais qualifiées. Le fait notable est qu'avec cette réduction, les clubs italiens ne disputent quasiment plus la Coupe d'Europe. on va dire que c'est bien joué, hein. Sur le plan financier, les revenus générés sont mieux répartis. Donc un tiers chacun, un tiers pour le Pro 14, un tiers pour la première chip et un tiers pour le Top 14. Donc autant dire que les délocalisations de finales vers d'autres pays, comme Bilbao l'an dernier, ne changeront pas grand-chose pour l'intégration des nouvelles équipes. Enfin, l'autre fait notable, et je finirai là-dessus, c'est la modification de la gouvernance. Donc ils auront obtenu gain de cause sur toute la ligne. Le comité exécutif de l'EPCR, désormais, qui remplace l'EPR, est désormais composé de représentants de fédérations, mais seulement du top 14 et de la première chip au niveau de la Ligue. Merci Yacine. Malin ces Anglais. Merci Yacine pour ce point. C'était précis et complet. Hein. Ah là, c'était complet, digne d'un master d'histoire. Merci. Du coup, on avait deux chroniques humoristiques en fait. En effet. Alors, c'est pas une chronique humoristique, c'est une chronique décalée de notre cher Alex. Ça va être de suite avant de finir avec Guillaume. Alex, tu vas nous parler un peu de l'actualité de la semaine d'une manière un peu différente. Oui, d'abord, pour rebondir sur. Les magnifiques propos d'Yacine, je dirais qu'ils sont presque arrivés à leur fin, les Anglais, puisqu'avec Montpellier, on peut dire qu'une province sud-africaine joue en Coupe d'Europe. C'est petit. C'est vrai. Bien vu. Alors du coup, pêle-mêle, oui, je vais vous parler un petit peu de l'actualité, qui, principalement de la semaine et du week-end, avec notamment l'Open d'Australie. Je vais donc du coup beaucoup parler de petites balles jaunes. Donc on rebondira dessus, hein, comme la balle jaune. Exactement. Donc à l'Open d'Australie, les surprises pleuvent, hein, comme lors de la période des moussons, hein, au pays des kangourous, parce que nous avons beaucoup d'éliminés, ne serait-ce que Roger Federer, hein, je reviendrai un petit peu plus tard. Un petit cocorico quand même avec Luc Apouille, hein, qui s'est dépouillé pour allier les quarts de finale en battant Coric. Bon, celle-là, elle était facile. Elle était facile, je vous l'accorde. Je sens pas que je vais pas rajouter de points au quiz, je pense pour ça. Pas sûr ça de aussi ouais. C'est dans ça c'était aussi pas. Maria Sharapova, bon qui depuis a perdu, mais quant à elle s'est arrêtée donc en 8e donc face à Barty qui est une locale, hein, je crois qu'elle est australienne, c'est ça. Ouais. Mais en éliminant quand même Wozniacki, ce qui était quand même une très belle performance. Mais les organisateurs de l'Open d'Australie étaient plutôt contents en fait de l'avoir s'arrêter là. Car ils étaient devenus à court de casques anti-bruit, hein, dans les tribunes avec Maria Sharapova. On s'en est déjà plein en vrai. Hein. Voilà, donc il y a eu un ouf de soulagement, hein, dans les tribunes au moment de l'élimination de Maria Sharapova. Hein. Bon, il reste encore Venus Williams, je crois, donc il faut. Serena Williams. Serena, ouais, bon, c'est pareil, hein, on est au même décibel, donc. Ouais, il faut survivre. Il faut survivre. Alors ensuite, justement, je parlais de Federer. Federer qui a annoncé sa participation à Roland-Garros après sa défaite face au grec Tsitsipas. On voit que c'est pas de l'économie parce que pour qu'un grec batte un suisse, ça peut être que sur le terrain du sport. C'est pas faux. Cela ressemble à une espèce de tournée d'adieu, hein, pour le Suisse. Hein. Et il y a quand même quelque chose aussi, c'est que nos quatre mousquetaires, Gasquet, mon fils, Tsonga et Simon devraient suivre son exemple puisqu'ils ont arrêté officieusement, hein, leur carrière depuis plusieurs années maintenant. Donc je pense qu'ils devraient justement faire une tournée d'adieu là, sur les grands entre parenthèses. Quoi. Ensuite, le premier slalom, là je vais parler ski donc du coup, hein, à Wengen pour Clément Noël, 21 ans. Oh, je la sens venir, oh, mais, ouais. Oh, mais... Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire. Elle était facile aussi, celle-là. Comme un cheveu sur la soupe. Ouais, voilà. Je vais passer à Actu Foot maintenant. Actu Foot. Donc là, dans l'Actu Foot, coach Vaïd a rechaussé ses Rangers et sa chapka hein, pour manifester sa colère suite au départ d'Emiliano Sala vers Cardiff. Pour Valdemarquita, donc le président du FC Nantes, qui est polonais, je le rappelle. J'espère pour lui que l'invasion de l'armée rouge reste un bon souvenir, parce que je pense que ça va un tout petit peu piquer dans les prochaines semaines, du côté de la Jaunelière. petite parenthèse aussi concernant Emiliano Sala. On ne sait toujours pas si c'est dans l'équipe de foot ou celle de rugby qu'il a recruté, mais au vu de sa technique balle au pied, j'ai ma petite idée. Espérons qu'il soit plus à l'aise avec ses mains. Ensuite, on a eu la victoire écrasante du Qatar Football Club avec 9 buts à 0 face à l'en avant Guingamp. On sent une pointe d'amertume. Oui, on sent une petite pointe d'amertume. C'est une phrase pour un peu normée. C'était, ouais. C'était plutôt en arrière concernant l'en avant, mais bon. Voilà. En arrière Quimper. En arrière, ouais. Pascal Dupraz, on se rappelle, hein, qui est aujourd'hui consultant Canal. Ancien que j'adore. Hein, ou non. Voilà, ancien coach mémorable de Lévian Tonon Gaillard et du Toulouse Football Club. Hein. Ouais. C'est ça, TFC, on est d'accord. Oui. 4 fois champion d'Europe, non ? Le Toulouse Football Club ? Ah mince, ah non, c'est... Tu confonds, je crois. C'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Du coup, oui, Pascal Dupraz, je me souviens, il avait dit jadis, après une humiliante défaite, une prestation exécrable de ses joueurs, je crois qu'il était à Evian, non, il était à Toulouse, je ne sais plus, mais il avait dit qu'il n'aimait pas les fessées, ouais. Parce que c'était vraiment lamentable. Ah putain, oui. Qu'il y avait des boîtes spécialisées pour ça. Voilà, c'est ça. Et je pense que Gourvennec, il a passé un tout petit peu trop de temps au Cap d'Agde cet été, puisqu'apparemment, il aime bien quand ça claque un peu, quoi. Et je terminerai là-dessus. Sur il a le droit d'avoir des plaisirs hédonistes, hein, c'est. Absolument, tout à fait. Merci Alex pour cette chronique décalée, la première des chroniques décalées de l'histoire de Sport & Chill. Et on finit avec moins drôle mais tout aussi emblématique, le petit chronique légende d'un match de légende, Verdasco contre Raphaël Nadal, qui a bientôt 10 ans d'ailleurs, Guillaume. Exactement. Moi je m'en souviens. Moi. Nous sommes à Melbourne à la Rod Laver Arena le 30 janvier 2009. 19h heure locale, 9h en France, Fernando Verdasco, tête de série numéro 14 et tombeur d'Andy Murray et de Joe Wilfried Tsonga, entre sur le court et précède le numéro 1 mondial Rafael Nadal. Présentons le contexte. Quelques mois auparavant, Fernando Verdasco disputait la finale de la Coupe Davis en Argentine. Verdasco, éternellement dans l'ombre de l'autre gaucher Iber, offrait le troisième point à son pays qui remportait son troisième saladier d'argent. C'est donc plein de confiance que le gaucher madrilène au coup droit dévastateur aborde le premier grand chelem de la saison. Des ailes lui poussent, la confiance est à son maximum, et Rafael Nadal semble le seul obstacle qui puisse lui entraver sa route. D'entrée, le niveau de jeu est phénoménal. Les deux joueurs ne se lâchent pas et Verdasco se force à monter le plus possible au filet pour contrer Nadal. Choix payant, même s'il ne break pas, c'est au filet qu'il va chercher le premier set en y remportant 3 points du tie-break, dont le dernier après avoir mis le Rafael Nadal à 5 mètres de la balle. Le deuxième set est une copie conforme du premier, à une chose près. Rafael Nadal est déjà une légende de ce sport, il a ce fighting spirit qu'il a toujours eu, qui lui permet d'être encore plus fort une fois mené au score. Verdasco va la prendre à ses dépens, à 5-4 sur son service, Nadal sort un de ses points dont il a le secret. Verdasco, qui prend l'échange à son compte, fait un coup droit court croisé, qui serait gagnant contre n'importe quel autre joueur. Pas Nadal, qui d'un coup de poignet magique s'offre une balle de 7, convertie. Un set partout, 2 heures de jeu, la Rod Laver Arena est en feu. C'est à ce moment-là que le match rentre réellement dans l'irréel. Les deux joueurs vont offrir au public 2 sets monumentaux. Le troisième set voit Nadal breaker en début, 2-7. Verdasco débreak et amène son cadet au tie-break. Très bien mené par le numéro 1 mondial, 2-7 à 1 Nadal. Peu nombreux sont les joueurs à prendre un set à Nadal en grand chelem. Encore moins nombreux sont ceux qui lui résistent sur 5-7. Encore moins nombreux sont ceux qui parviennent à le remonter au score. Après près de 3 heures de combat acharné, Verdasco, pour sa première demi-finale de Grand Chelem, retrouve des ressources insoupçonnées pour bousculer Nadal et le mener dans un nouveau tie-break, qu'il surclasse 7 points à 1, 2-7 partout, 4h20 de jeu. Le match rentre déjà dans la légende. Un 5ème set accroché et Verdasco, fébrile face à la pression, craque malheureusement en fin de match. Mené 5-4, il doit servir pour rester dans le match, mais ça ne se passe pas comme prévu, ou ça se passe comme prévu, diront certains. Mené 0-40, il sauve une première balle de match au filet. Et là, le drame. Sur la deuxième balle de match, Verdasco commet une double faute. Après 385 points, 193 pour Nadal, 192 pour Verdasco, après 5h14, match le plus long de l'histoire du tournoi, les deux joueurs s'écroulent, mais pas pour les mêmes raisons. Nadal atteint sa première finale de Grand Chelem sur surface dure. Verdasco perd l'occasion d'atteindre une finale de Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, une occasion qui ne se reproduira jamais. Ouais, c'est dur. Vendredi, 10 ans après, dans le même tournoi, à 100 mètres de la Rodelevan Arena, face cette fois à Marin Cilic, Verdasco se procure une balle de match sur son service dans le tie-break du 4ème set. Double faute, Cilic égalise à 2-7 partout et parvient à gagner. L'histoire est tenace. Merci Guillaume, j'ai l'impression que c'est une situation de chronique a fait du bien cette émission. Merci messieurs pour ces trois petites chroniques. Je vous le dis, je me suis régalé. Je pense que les prochaines, il y en aura d'autres de chroniqueurs, voire peut-être les mêmes qui continueront sur ces trois chroniques, légendes, décalées et historiques. Là on va passer, j'ai pas envie de dire aux choses sérieuses parce que c'était déjà les choses sérieuses, mais on va passer au quiz. Sport and Chill, le quiz. Je demandais à Alex de se décaler parce que sinon je vois qu'il a une vue panoramique sur le quiz. C'est un aigle. Hein. Et ouais. Et une vue périphérique. Panoramique sur le quiz. J'ai l'impression que ce quiz était un petit peu plus facile. J'ai l'impression. Alors après, je peux me faire des idées, mais que d'habitude, j'essaie de noter. Je prends Yassine, il part avec 2 points moins du coup. Allez, comme d'habitude, un petit malus. pourquoi il partirait avec un point moins? Bon. Je note les scores, désolé. Guillaume, Yacine, Romain, Alex et Tim. Alors, première question, rapidité. Pour vous dire un petit peu la facilité, je pense, de ce quiz. Quel fils d'une légende de la F1 signe Jeff Mick Schumacher. Bejol. Trop rapide. Qui est-ce? Mick Schumacher. Ouais. Le fils de. Michael Schumacher. Donc, qui arrive chez l'écurie. Enfin, pas l'écurie, mais la. La réserve, je crois. Non, pas la réserve, mais le centre la de filière. Formation. Oui, là. Oui. Comment on appelle ça? L'équipe A. L'écurie? Non, pas l'écurie. La team ou non, je sais pas. L'académie. L'académie. L'académie. Ouais. L'académie Ferrari, point pour Guillaume pour cette première question. Il y a un point pour l'académie. Pas française. Hein. C'est vrai qu'on aurait cru que c'était une question. Rapidité. Australian Open. Qui appelle-t-on depuis cette édition Marathon Man? Je crois que c'est Bautista Agut exactement l'orthographe. Bautista. Pour moi, c'est moi. Mais... Ah, c'est Tim, je pense. C'est Tim? Je pense. Ouais, je pense. D'un... En tout cas, il l'a bien dit. D'un pas grand-chose, mais ouais. C'est joué. Après, c'est sévère de pas donner à Rome. 0,5 à Rome. Ouais, je sais pas. Tu lui offres une mandarine, sinon, aussi, je sais pas. Je l'avais, mais j'ai eu un problème à l'allumage. Moi, je l'avais, mais bien après, bien après. Je donne les points, sinon, ça ira. Il vient d'ailleurs d'accéder à son premier quart de finale depuis 25 participations. Ah, oui. Yes. Il enchaîne les matchs à 5-7. Et il est pas beau à avoir joué, c'est ça. Il enchaîne, mais il en chie aussi. Ouais, mais il s'est fait éliminer, si je me trompe pas. Non, il joue ce soir. Ah oui, il joue ce soir. Il a éliminé Marin Cilic. Rapidité. Quel entraîneur n'est pas sûr de lui de re-signer les prochaines, laissant de nombreuses années de coaching en club derrière lui? Popovic. Greg Popovic. Oh, joli. Oh. Ouais. Je précise de club car il entraînera les USA en 2020 lors des JO de Tokyo. Ah, intéressant à suivre ça. Sympa, ouais. Bon, pas vraiment de suspense pour le futur vainqueur. Qui a dit, rapidité, je prends ce qu'il y a à prendre, on m'offre du temps de jeu, il faut que je concrétise. J'essaye de jouer juste, de m'adapter, je prends énormément de plaisir. On a débuté le match avec ce qu'il fallait de sérieux. On sait que c'est difficile d'enchaîner après un gros match contre l'Espagne. Melvin Richardson, point pour Romain. Après la victoire française contre l'Espagne. J'ai fait 3 sports dans ma tête, il n'y avait pas l'onde. Pareil. Moi je pensais au rugby, puis après j'ai fait rapidité rugby toujours. Et... l'Espagne, bon. Rapidité ouais, toujours, si je vous dis le chiffre 17. Non, 17. L'âge d'Anisimova. Le nombre de participations de Kobe Bryant au All-Star Game. Non. 17 d'affilée. Le nombre de points de James Harden à plus de 30 points. Non, le nombre de participations de Kobe Bryant. Non, le nombre de matchs en phase finale de Tom Brady. Non. D'affilée. C'était hier dimanche que ça s'est passé. Ok, donc c'est pas Harden. L'âge d'Anisimova. Le nombre de participations en phase finale pour Toulouse en Coupe d'Europe. Attention là, c'est un indice important. Grec. Tsitsipas, l'âge de Tsitsipas. Non. La différence d'âge entre Federer et Tsitsipas. Non. Dommage, ça aurait pu. L'écart d'années qu'il y a depuis que Federer avait sorti son Pete Sampras. C'est pas une grosse stat, mais j'ai envie de la. Depuis la qu'un Grec est allé en quart de finale de Grand Chelem. C'était sur un match contre un Suisse. Non, c'est jamais arrivé ça. C'était dans un match contre un Suisse. C'est la 17ème fois que Federer atteint pas les quarts de finale à Grand Chelem. Non. Le nombre de balles de break, non, c'était pas ça. Non, c'est 12. C'était 12. Il met fin surtout à quelque chose. Il met fin à une série de 17 quarts de finale au Grand Chelem de Federer. Ah, Federer n'a pas été éliminé. Non, je dis que c'était pas fou. 17. Il met fin à 17. Les Ice. Non, tout simplement. Le nombre de fin à 17 victoires d'affilée de Roger Federer. Ah, d'accord. C'est vrai que c'était. Oui. On allait chercher loin. C'était banal, ouais. Quoi, en fait. Ah, je crois que c'est. Ah non, si je me trompe pas, c'est 17 victoires d'affilée, peut-être à l'Australian Open. Ah oui, ouais, oui. Parce qu'il a gagné deux fois d'affilée. Il est double le point à Guillaume, quand même. Ah, ah bon. Pourtant, je l'avais dit à l'Australian. Mais... Allez, tour de table. Tour de table. Ouais, il se passe des trucs ici. Corruption. Tu l'avais dit, Yacine ? J'avais dit à l'Australian, mais personne n'a entendu, c'est pas grave. Non, mais point pour Guillaume. Non, ben moi, il est beau jeu, il est beau jeu. Non, non, très sport. Je te donne 0,5. On négocie là, allez, c'est bon. Tour de table. Le PSG s'est imposé, tour de table, hein, je rappelle, 9-0 contre Guingamp ce week-end et déjoue les records. Les derniers, c'était également eux il y a 2 ans contre 3, pour le match du titre. En quelle année, en championnat de France, en Ligue 1, doit-on remonter pour trouver un plus gros écart? Ah. Quelle année? Ah. Un plus gros écart, donc plus que 9-0. Enfin, plus que 9 buts d'écart. C'est pas un 10-0. C'était un 12-1, en effet. Moi, je vais commencer. Oui. Quelle année? 54. Ah, j'étais dans ce tour dit. Est-ce que vous voulez, je voulais que peut-être je vous donne avant, tu pourras redire, je vous donne avant les noms des équipes. Ouais, vas-y, ouais. Stade Lillois. Sochaux contre Valenciennes. Oh là non. Ah, d'accord, j'avais pas du tout, ouais. Attention. Je saurais même pas dire qu'il y a 11, qu'il y a 12 et qu'il y a 1, quoi. Et ben dans ce cas-là, c'est peut-être une fausse information. Ouais, dans ce cas-là, je vais remonter avant la guerre. Avant-guerre. Dépêche-toi, du coup. Bah, on a 30, eu tous l'indice, c'est normal. 34. Allez. Il a le droit. 34. 36. Parce que le. Ouais. 40. Ben non. Pendant la guerre. 1928. Y'a pas de Valenciennes pendant la guerre. Y'a plus Valenciennes en France, hein, pendant la guerre. Et c'est là, les années 50, c'était le bon. Et là, on pleure. Comment tu dis, toi? J'ai dit 28. 1960, moi. 28, y'a le championnat de France, existe. Guillaume, 1935-1936. Donc en 1936, tu avais la bonne réponse. Avec la victoire 12-1 de Sochaux face à Valenciennes. Comme quoi, le hasard. Hein. C'était en 35 ou à 36? 35-36, donc c'était en 36. Ah oui, d'accord. Okay. Au casino ce soir. Hein. Je note quelque chose aussi. Il y avait un écart semblable en 85-86, mais il y a un écart semblable à PSG Guingamp, donc 9-0. Avec Bordeaux. Ouais, et ouais. Ce qui est étonnant, c'est Monaco qui s'imposait 9-0 contre Bordeaux. Ouais, c'est pourtant, ça, à Bordeaux, pourtant, Bordeaux, double champion de France en titre. Ouais, avec Alain Giresse. Jacquet et de Claude Baize en présidence. Avec Alain Giresse. Ok. Ouais, c'est totalement tour de table. Est-ce que j'ai mis le point, Guillaume? Non. Biathlon. Tour de table. Depuis les années 93. J'ai pris 93 parce que c'est mon année de naissance. Donc, depuis de l'année, du donc coup. J'ai le droit. Depuis l'année 93. Donc 25 ans. Combien de globes gagnés, 25 globes gagnés, grand globe en biathlon, on est d'accord, ou de titres de champion du monde, on peut dire la même chose. Combien de biathlètes compte-t-on hors Norvège et hors France? Oh là. Ah. Wow. Sur 25, si on enlève les Norvégiens et les Français, combien? Romain, tu peux commencer. Ouais, bah ça va être du pifomètre là. Je pense que si t'enlèves les Allemands, ça fait zéro. Je vais dire 3. 3. Allez, 3. Tim. Je veux dire 5. 5. 2. 2. 7. 7. 4. Oh, escroc, j'hésite entre 3 et 4 en plus. Bah c'était 4. Oh, putain, voilà. Joli. Je voulais dire 4 au début. Il y a donc le russe Vladimir Dratchev en 96, l'allemand Sven Fischer deux fois en 97, est-ce qu'il y a un 99, finlandais et un autre allemand Michael Greiss en 2007. Voilà. 3 allemands et un russe. Enfin, 2 allemands et un russe. Rapidité. Du coup, il y en a 3, mais. Une ancienne gloire du foot est devenue cette semaine conseiller d'un club de Détroit marocaine. Qui est-ce? Ronaldo. Rivaldo. Rivaldo. Ah, merci Yassine. Ronaldo, c'est le Real Valladolid. Ouais. Rivaldo, qui est devenu conseiller d'un club de Détroit marocaine. Voilà. Un ancien ballon d'or, quand même. C'est louche. Tu le sens, le détournement de fond, là ? Ouais. Je suis totalement à côté de cette news, quoi. Qui a dit rapidité ? Je regarde un peu. On voulait gagner. Avec le bonus, on voulait terminer à la seconde place. Invaincu. Antoine Dupont. On l'est depuis 3 ans en Coupe d'Europe. Ah, c'est un bon Sexton. Parcours. Quand tu as le Munster dans ta poule, tu sais qu'il faudra un exploit pour sortir. En plus, on avait Exeter et Gloucester. Cocotte. Incastré. Le seul regret, c'est le match aller à Gloucester. Lourdes Pilleta. Urios. Urios, point. Oh, ils n'ont pas dit Urios. On ne passe vraiment pas loin de ce jour-là, mais franchement, on sort grandi de ces compétitions, l'entraîneur du Castres Olympique. Eh ben, s'ils sortent grandi tous les ans de la Coupe d'Europe, Castres, ouais. C'est bien. Ah, mais ils ont fait une très belle Coupe d'Europe cette année avec leur poule. Hein. Rapidité. Ah, ils nous ont régalé. Au handball. L'Allemagne possède une particularité au handball, au mondial, avec 3 victoires en championnat du monde. Je vous le donne. C'est quoi la particularité ? Et 3 fois à domicile. Ouais, c'est ça. Non. Trois fois à Cologne. Deux quoi, Tim ? 3 fois en étant invaincu à chaque pas. Non. 3 fois en battant la France. Et en 3 fois à 20 ans d'écart. Non. Championnat d'Europe, on a bien dit. Non, du monde. Du monde, pardon. 3 fois en ayant chaque fois le meilleur buteur de la compète. 3 fois sur le continent européen. Non, c'est un truc assez... original. Assez drôle, ouais. Enfin, drôle. C'est pas drôle, mais... alternatif, quoi. Cocasse. Est-ce qu'elle n'était pas réunifiée pendant ces 3 victoires ? Non, elle a gagné en 2017. Bah, la RFA qui a gagné ? Précise. 2 fois la RDA. 2 fois la RFA. Ah, il y a la RFA et la RDA qui ont gagné ? Non, précise. La RFA qui a gagné en RDA. La RDA qui a gagné en RFA. 3 victoires. Les 3 sont... à Berlin. Non. À Cologne. Non, c'est pas le rapport avec le lieu, tu y étais presque. Les 3 de la RDA ? 3 avec seulement 2 joueurs. Vous l'avez pas, vous l'avez pas. RFA. Les 3 victoires sont avec une entité différente. Allemagne nazie, Allemagne de l'Ouest, Allemagne. Ah, il manquait Allemagne nazie. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, j'ai pas osé le dire. Ah ouais. 38... Je vais faire taper sur les doigts. Hein. Oh non, t'as le droit. Hein. C'est un pays comme les, yeah, pas comme les autres. On a eu l'armée rouge avec l'Alex avant. Mais ça compte quand on a exterminé toutes les autres équipes. Ça compte quand on a eu 2 fois des erreurs d'arbitrage scandaleuses. Allez, en demi-finale et en finale. Allez, on passe. Chronique décalée est terminée, messieurs. Qui suis-je ? Vous avez le droit qu'à une seule réponse. Je suis pas ouf aujourd'hui. Ah, moi non plus. Une seule réponse. Je suis inexistant. Né le 6 août 1965. Je suis une légende, on peut le dire, de mon sport. Né en Europe, le sport que je pratique vient de mon père, qui participait justement à des petites compétitions pour ce sport, mais de manière modeste. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'âge de 14 ans, je suis champion de France de skateboard dans différentes catégories. J'atteins même l'équipe de France et je participe même au championnat d'Europe, et pourtant, je ne suis pas connu pour ça. Preuve de ma précocité, malgré mon âge avancé, à 18 ans, je gagne le championnat de France d'enduro. Stéphane Peter Hansel. Point. C'est celui que j'avais depuis le début. Avec ma moto suédoise Husqvarna, depuis cette victoire, je suis recordman de victoires scratch en ISDE avec 6 victoires sur Yamaha, puis 11 fois champion de France d'enduro, puis recordman surtout d'une course mythique entre la capitale française et sénégalaise. Et tout ça en même temps sur moto et auto. Je suis Stéphane. 7 fois en moto, 6 fois en Peter Hansel. Il pourrait le faire en quad et en camion maintenant. Un grand champion. Mets-toi des défis, mec. Il pourrait faire du BMX. Dernière question désolé. À 2 points. Ah, il est bon. Sur du football. Le formule, déjà. Sur du football, on va faire un tour de table éliminatoire. Tour de table éliminatoire. Aïe. Oula. 2 points. Donc, Alex peut recoller à la tête. Romain peut gagner. Et Guillaume est premier avec 4. Yacine peut recoller à la tête aussi. Désolé, Tim. Même si tu gagnes, tu seras deuxième. Sur le derby Milan. En barreau d'honneur comme Roger. Quel est le podium ? Tour de table éliminatoire des buteurs, donc les trois, le podium, dans les 5 grands championnats. Dans les 5 grands championnats, je parle de la Ligue 1 même, en même temps. Donc, ok. Quel est le podium des meilleurs buteurs du coup, dans chaque championnat, je crois. Sachant qu'Alex, dans les 5 grands championnats, il y a 3 meilleurs buteurs. Ah, tu veux le podium les 3 dans les chaque. Voilà. Dans les 5. Vous faites ce que vous voulez. Donc, ça fait 15 joueurs à donner. Quoi. Ça fait 15 joueurs, il y en a un peu plus parce qu'il y en a, ils sont en égalité. J'arrive, grand. En 3ème. Je vais être imbougeable pour le premier. Bah, tu peux commencer. Timo Werner en Allemagne. T'as eu très chaud. T'as eu très chaud parce que il est 3ème égalité depuis ce week-end. J'envoie un dur direct. Ouais, toi, je... Du coup, ça tourne. Romain. Kylian Mbappé. Ah, Kylian Mbappé. Le chien. Alors Werner avec 11 buts. Hein. Kylian Mbappé avec 17 buts en Ligue 1. Ouais, ça y est. On y croit, Alex. On fait l'effort. Allez, Alex, quand même. Il y en a beaucoup là. C'est pas Marseillais. Et si ? Lionel Messi. Bah oui. 18. Liga. En tout cas, c'est dur ce que vous dites là. C'est... Mohamed Salah. Mohamed Salah. Ah, il y a les prises de première risque. Première ligue, 16 buts. Bon, on continue les prises de risque. Cristiano Ronaldo. Non. Oui. Ah mais oui, il m'a pas fait douter, je le savais. 14 buts. Aubameyang. Enfoiré. Aubameyang, 14 buts. Edinson Cavani. Edinson Cavani, 14 buts. Ah, ça devient chaud là. Attendez. Oui. Neymar. Neymar, 3ème égalité. 13 buts. La Ligue 1, c'est terminé. Hein. Allez. Luis Suarez. Suarez, 15 buts. Je vais prendre un risque là. Bah là, ouais, je pense que tu es obligé là. Je prends un gros risque. Fabio Quagliarella. Oui, 3ème. Qui a encore bien doublé, je crois, ce week-end. Première égalité, 14 buts. Harry Kane. Kane, 14 buts. Oh, mais. Tu peux nous faire un petit rappel de. Il reste. Ce qui reste, il reste un en Liga, un en Ligue 1, un en Serie A et 4 en Bundesliga. Un en Ligue 1, il en reste un ? Oui. 4 en qui Bundesliga. Qui est égalité. 2 d'accord, en ouais. Bundesliga, tu gagnes. Non, parce qu'il y a beaucoup d'égalité à la 3ème place. Romain. Allez, Romain. Ouais, j'y crois pas du tout. Je vais pas aller sur mon championnat en plus. Je vais dire. De toute façon, Lewandowski. Il y en a... hein, Lewandowski ? C'est ça que tu dis ? Bah ouais, faut tenter un truc. 11 buts, oui. Pléa ? J'ai senti le vent souffler. Alassane Pléa ? Ouais. Éliminé. C'était bien tenté. Emiliano Sala. Éliminé. Et non. Ouais, non. Je vais prendre un risque. Sébastien bah. Haller pour la Bundesliga. Éliminé. Paco Alcacer. Tu prendras le point. Paco Alcacer. Vamos. Bah ouais. 12 buts. Mais il reste Romain aussi. Excuse-moi Romain. Il reste quoi comme championnat là? Il reste un en Espagne. Non mais leur donne pas, c'est trop facile. Non, j'ai déjà donné avant. Paco Alcacer, 12 buts en Bundesliga. En Angleterre aussi. Non. Je savais que j'aurais dû faire tous dit en Angleterre. Non. Allez Romain, n'essaye pas de gagner du temps. 5 secondes. Tu l'as pas ? Deux. Non, attention, ah. Tu t'es éliminé, hein, Alexa. Stoigny. Christian Stoigny. Jérôme. Point. Ouais, il y a 12 buts. Bah, il faut qu'il y ait. Faut que, non, il faut qu'il y ait, ouais. Alors, si quelqu'un en a en premier. Il est en France. Nicolas Pépé ? Point. Oh oui, joli ! Nicolas Pépé, 13 buts. Est-ce qu'il y avait. Allez, est-ce que tu peux contre-attaquer ? J'en ai en plus, je suis dégoûté. Ouais. Allez, il en reste 3. Icardi ? Non. Ah, j'ai cru. Quelqu'un en a ? Juven Zapata. Zapata en Serie A. Il a mis un quadruplé ce week-end donc. 14 buts. Griezmann, c'est soigné. Non, il reste plus que la Bundes. Jovic. Et Sancho. 13 buts. Et Jadon Sancho, là ? Ouais, t'as dit ? Peut-être. Marco Reus. Marco Reus. Ouais. J'aurais dû jouer à la sécurité. Voilà. Les avais, mais. Allez, donc. J'avais dit que je serais un peu. Ah, dommage, hein. C'était chaud, ouais, si ouais. Victoire de Guillaume. Et tu me casses ma quiz. Victoire. Un vaincu en 2019, hein, je suis désolé, mais. C'est bon, c'est bon. Si t'en c'est vrai, hein, je gagne. C'est vrai. Je vais revenir, t'inquiète pas. Je me prépare. Allez, on passe pour ces 9 dernières minutes à l'agenda. J'ai mis un moment pour se soigner. Alors, qui est prêt là ? Je vois que. Moi, je le suis dans. Moi, je l'ai si tu veux. Vas-y, Guillaume. En football, excusez-moi. En football. Ah non, bah vas-y. Non, c'est bon. Alors, en cours, la Juventus qui joue face au Chievo-Vérone. Demain, Coupe de France. Demain, mercredi et jeudi, Coupe de France avec quelques affiches dont Monaco-Metz, Toulouse-Reims, Nancy-Guingamp et le petit club de la région 7 qui reçoit Lille demain soir à 21h. Mercredi, Nîmes-Angers en match en retard de Ligue 1 et en Coupe de France, on a quoi ? On a PSG-Strasbourg, le match de France 3, Saint-Étienne-Dijon. Jeudi, on a Amiens-Lyon à 21h. Et en Coupe de la Ligue anglaise, jeudi également, on a le match retour entre Chelsea et Tottenham. Vendredi, retour des championnats domestiques et de la Coupe en Angleterre avec un beau Manchester United qui se déplace sur la pelouse d'Arsenal vendredi soir. Vendredi soir également en Ligue 1, le choc entre Marseille et Lille. Samedi, Ligue 1 également, Nantes-Saint-Etienne, Dijon-Monaco, Guingamp-Reims, Reims-Nice-Nîmes et Strasbourg-Bordeaux. Samedi, qu'est-ce qu'on a en Serie A ? On a AC Milan qui reçoit le Napoli. Aïe. Retour de Carlo. Ouais. Dimanche en Ligue 1, Montpellier-Caen, Amiens-Lyon, Toulouse-Angers et Paris-Saint-Germain-Rennes. En Serie A encore deux gros chocs ce week-end, donc avec la Lazio qui reçoit la Juventus dimanche soir. Et c'est tout. Ouais, y a rien de fou. Hein. Yacine, oui. La fin du mondial de hand. Alors on entre dans le très sérieux. Je précise que l'Espagne a battu le Brésil et qu'en ce moment la Croatie mène face à l'Allemagne. Ah bon ? De combien de points ? C'était pas prévu ça. Il y a 6-4 à l'heure actuelle. Ça a commencé il y a 20 minutes alors pour mercredi. Il y a 2-1. Il mène. Alors pour mercredi, que des gros chocs. Bon, on passera le Brésil-Islande, mais qui surtout se le France-Croatie pour éventuellement une première place. Et... l'Allemagne-Espagne qui sera ultra décisive pour le pays hôte. Et en même temps, dans l'autre poule, un Norvège-Hongrie et un Suède-Danemark qui sera certainement décisif aussi pour la première place. Et les demi se dérouleront à Hambourg vendredi et la finale à Herning dimanche, c'est-à-dire au Danemark. En rugby, Alex. Oui, je vous ai pas mis la pro des deux. Hein. Merci. Donc le samedi 26, nous aurons un petit Castres Clermont qui, de mon point de vue, est l'une des grosses affiches du week-end, avec un Union Bordeaux-Bègles à Jeun, un Perpignan-Pau, en espérant la victoire de l'USAP, sinon bonjour la pro des deux. La Rochelle-Montpellier, ça sent pas bon pour le MHR quand même, parce que je les vois pas trop gagner à La Rochelle. Le dimanche, Lyon-Racing 92, Toulouse-Grenoble et Toulon-Stade Français qui sera le deuxième gros match du week-end. Ok, en sport d'hiver, Romain. En sport d'hiver, j'ai noté notamment le biathlon avec la manche de Coupe du Monde d'Antols Anterselva en Italie de jeudi à dimanche avec sprint, poursuite, mass start hommes et femmes. Ensuite, manche de ski alpin, surtout c'est le peak time, comme dirait Tim, de la saison de ski avec la manche de Kitzbühel en Autriche entre le 22 et le 27 janvier. Il y aura également une manche du côté de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne concernant du coup Kitzbühel. Je donne quand même la date, c'est notamment la célèbre descente de la Streif, la plus renommée et la plus mythique des épreuves du calendrier qui aura lieu samedi à 11h30. Concernant les autres événements sportifs, je te les donne peut-être tout de suite. Oui, au moins c'est fait me concernant. Il y aura le rallye de Monte Carlo. J'ai noté ça, je n'avais pas vu dans un premier temps. WRC, c'est ça. WRC, ouverture rallye de la saison. Il y aura également du rugby à 7 en Nouvelle-Zélande. Et sinon, je vous donne les matchs NBA. parce que cette année, c'était dans les... Vas-y, il les a sous les yeux. Je ne savais pas que tu avais préparé les matchs NBA. Sachant que c'était dans les autres sports cette semaine, donc avec des grosses affiches à nouveau, et puis surtout si vous êtes chaud dès la fin de l'émission, c'est le Martin Luther King Day, je le dis aujourd'hui. Donc on a démarré à partir de 18h les matchs, c'est très rare, jusqu'à 7h du matin, donc il y a de quoi se régaler, avec notamment deux gros matchs, Houston-Philadelphie à 2h du matin et Warriors-Lakers à 4h30, si vous vous levez très tôt. Dans les autres matchs, un Denver-Utah intéressant dans la nuit de mercredi à jeudi, Utah équipe en forme notamment. Ou encore deux autres matchs que je vous donne, Toronto Raptors, Houston Rockets, 2h dans la nuit de vendredi à samedi, et Golden State Warriors, Boston Celtics, 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Merci Romain, on finit avec le tennis, l'Australian et Open. Ouais, les quarts de finale cette nuit, il y a Kvitova qui affronte Ashleigh Barty, c'est à 9h, donc ce matin tôt. Et cette nuit, c'est Pavlyuchenkova qui est programmée contre Collins, Tsitsipas contre Batista Agut, match à suivre. À 10h15, dans Night Session, Tiafoe contre Nadal, donc ça c'est cette nuit et demain matin pour l'heure française. Et dans la nuit de mardi à mercredi, Serena Williams qui affronte Pliskova, Osaka qui va affronter Svitolina, et ensuite chez les hommes c'est Djokovic contre Nishikori et sans doute en night session Puy contre Raonic. Et on finit avec le sport montpelliérain. Mercredi 23, le Belema ira à Venise pour le 8e de Eurocup. Sinon, le samedi 26, le Montpellier Waterpolo reçoit Strasbourg. Le MMF Futsal va à Vénissieux. Les Vipers reçoivent le Mont-Blanc. Et enfin, le dimanche, le Belema rejoue et ira à l'Asvel. Si je ne me trompe pas, il y a le MHSC qui recevra Caen. Caen, 15h, dimanche. Venez nombreux. Ça sent le gros match. Voilà. Tombola. On va finir avec les pronostics. Tim, quels sont les pronostics de la... quels sont tes tips de la semaine? Bah du coup, comme j'ai pas pu prendre les matchs de basket qui sont déjà démarrés pendant l'émission, du coup j'ai choisi 6 matchs. Collins contre Pavlyuchenkova, moi je tente l'upset d'Annie Collins que je vois bien à 2-0-7. Mais mettez votre maison. Ouais, je sais pas la maison, mais je le sens bien. Ensuite, Tsitsipas BTTS contre Batista Agut. En gros, Tsitsipas gagne et les deux joueurs gagnent à 7 à 2-55. Kvitova qui pour moi ira en finale, je la vois battre Barty. Et pourquoi pas tenter en 3-7, là la cote bien intéressante. Je vois Brooklyn battre Sacramento à domicile, comme je vois Utah Jazz faire le job contre Portland et Boston battre Miami, cote à 35. Ok, voilà. Ça marche pour les petits tips. Je te suivrai. Ça c'est déjà fait d'ailleurs. Ok, c'est bon pour les tips. C'est bon. Okay, Et dernier mot, sachant que tu as fini sur la NBA, pour ceux qui souhaitaient voter au moins une fois dans leur vie au All-Star Game, de retour. Le fameux. C'est juste pour le dire, c'est ce soir le dernier soir. Et ça compte double. Je vais le faire parce que j'ai attendu justement que ce soit le double. Voilà. Merci. On est en avance là. Ouais. Je sais pas ce qui nous arrive. Exagérons. Je vais essayer de combler. Je vous remercie pour ce soir. J'espère que ça a été. On a eu des belles chroniques d'ailleurs. Ouais, c'était sympa. Ouais. La bise à mon Alex, à qui j'ai mis 4-0 MPG au fait. Ah oui. Leader de la ligue, désolé. J'ai pris un petit mais. C'est vrai que j'ai mis un petit mais. Tu joues toi. Un petit 3-0 des familles là. À 19h samedi, c'était terminé le match. Évidemment mon petit gazon. Évidemment, Strasbourg mon petit gazon. Merci à la technique, merci Tom yes, ce soir. Merci. J'espère que la petite galette t'a plu. Mais d'ailleurs, c'est le roi. Il a reçu la fève. Après, il ça sera les galettes, mais sur les platines techniques. C'est exactement. C'est parfait pour la transition car juste après, il y a Joe Romano platine pour la soirée Cut Killer. Donc voilà, on remercie aussi nos invités. J'ai oublié d'être venu pour parler. Tous les quatre. Athlétisme. Ouais, pour l'athlétisme. Et on va finir avec le son de la semaine. Merci. On va finir avec le son de la semaine. Je l'ai appelé la clim française installée en Allemagne cette semaine. C'est Timothée Nguessan qui a marqué dans les dernières secondes au handball contre l'Allemagne pour faire un match nul qui nous a sauvé un petit peu. Vous allez entendre les Allemands sifflent et à un moment. Il y a un blanc et puis ça crie. C'est les Français qui sont présents au stade. Voilà, on termine là-dessus. On vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine à l'heure, évidemment, 19h. Salut à tous. Bonne soirée. Ciao.